c'est cette génération-là. Moi, je trouve que ça ressemble. Les baby boomers, ils ont quelque chose de comme ça. C'est pas des espèces de beatniks de, comme on, le couple qu'il y a dans le film, mais il reste que c'est eux autres qui vont payer pour. Direct du 29 mars 2025. Je vais aller fermer mon affaire là. Va attendre. Il est ni trop de bonheur, ni trop tard. J'essaie de faire un compromis. 7 heures, c'est raisonnable, me semble. Donc, je vais attendre qu'il y ait des gens. Ça va être long, hein? Ça va être long. Bon, il y a une personne qu'on me dit. Mais je sais avec le temps que c'est pas fiable. Est-ce que le son est correct? OK. Bonjour Louiselle. Bonjour Monsieur Leroy. Donc, tant mieux. J'avais fait un direct hier, mais il y a un troll qui est venu me le gâcher, donc je l'ai effacé. C'est comme ça. Donc, on verra là. Je vais peut-être avoir besoin d'un modérateur. Est-ce qu'il y a des sujets? J'aurais pas le même troll ce matin, il a pas dû dormir de la nuit. Moi, je dors très bien. Hein? On n'a pas le choix. Ah, il y a quelqu'un de parti. Bon vent. Donc, est-ce qu'il y a des sujets? Ah, il y a quelqu'un qui est revenu. Bienvenue. C'est comme ça, hein? Ça vient, ça passe, c'est ça la vie. Il y a quelqu'un, je sais pas si cette personne-là est debout ce matin. Hein? Donc, moi, malon, si j'ai pas de sujet à parler, ça va être vraiment mauvais. Ça va être plate. Hein? Donc, est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent, qu'on pourrait jaser? Parce que c'est ça. C'est ça le but des directs. Si je suis d'avance. Bonjour, CG. SG. SG. J'ai mêlé même avec. Même moi, je viens mêler, puis je parle en anglais. C'est la première fois que je vous vois, je ne me souviens pas de vous. Peut-être mieux de pas faire ça. Hein. Bon, est-ce qu'il y a des sujets? Me prend des sujets, je vais pas faire un direct tout seul. Les directs, je les fais pour échanger. Non, je vous écoute en silence en général. Bon. Ben, je vous invite à briser le silence. Mémoire des lieux. Vous avez déjà parlé que on pourrait, dans le futur, capturer la mémoire de la planète pour savoir l'histoire de l'humanité. Oui. À mes yeux, ça me semble plausible, comme un disque. Je veux dire, comme on peut enregistrer des choses dans les sillons d'un disque, je vois pas pourquoi, au niveau de certaines molécules, de certaines particules, il serait pas possible de lire. De lire ce qu'on un peu comme un ruban magnétique, la magnétosphère d'une planète. À mes yeux, c'est tout à fait possible. Ça peut sembler farfelu, comme il y a des choses par le passé qu'il semblait l'être, mais à mes yeux, c'est tout à fait plausible et logique. Même une planète disparue, à mes yeux, peut possiblement laisser une empreinte. Une empreinte, puis qui peut être lue. Donc, il est possible comme ça de remonter. En science pure, tout est cause à effet, le hasard n'existe pas. Donc, je considère que c'est tout à fait plausible, tout à fait possible. Ben, peut-être pas dans la mesure de nos moyens maintenant. Entendons-nous. Allez, un peu de rigolade. Parlons des galactiques qui ont tous le même brushing. C'est une joke, bien sûr. Moi, ben, je sais plus ou moins de quoi vous parler parce que, bon, ben, c'est des choses que je suis pas, que je regarde pas. Ben, vous parlez de monde qui tripe sur voyons, les Nordiques, là, ces affaires-là. Comment ça se fait que, bon, ben, c'est, moi, mes yeux, il y a une image, il y a un effet de mode, hein, là-dedans, donc il y a une image stéréotypée de ces choses-là. C'est normal, il se crée une sorte de mythologie. À mes yeux, c'est de la mythologie populaire. La mythologie moderne. C'est comme, ben, ça revient au même que d'autres types, là, de. Oui, c'est ça, c'est de plus en plus présent. Oui, c'est de la folie. Ben, je vois ça, c'est aussi lié à ce qu'on pourrait appeler les, entre guillemets, les nouvelles religions. Parce qu'il y en a pour qui c'est de la spiritualité. Là, ça vient remplacer la nature horreur du vide. Le naturel revient vite au galop. Le problème, c'est que si on perd des choses qui ont du bon sens, il vient remplacer, ça vient être remplacé par des choses parasitaires qui n'en ont pas. Puis qui n'ont pas de sens. C'est pour ça que c'est des modes, à mes yeux, ça va finir par s'estomper. Mais si vous prenez ce qu'il y avait dans la jusqu'à la fin des années de la fin des années 60 jusque, je dirais, dans le milieu des années 90, toutes les sectes soucoupistes qu'il y a eu, Route Normande, puis ces affaires-là, ben, c'était quoi donc, Evan Gates? Bon, c'est de la folie. C'est des religions c'est des religions d'artistes puis de nerds. Evan Gates, c'était des programmateurs informatiques. Ils fabriquaient, c'est dans les premières compagnies californiennes qui faisaient des sites Internet. Ils étaient multimillionnaires. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Très surprenant, mais c'est réellement comme ça. C'est des religions de geeks. Moi, je le vois comme ça. Ben aussi de dames nouvelle âgeuse. Ça se mélange comme Route Normande, puis l'Académie Unarius. On est plus dans le nouvel âge, là. Puis les canaliseux. Les canaliseux. Ouais, sans importance. Comment pourrait-on décomposer le phénomène au système de crainte? Je pense qu'on peut pas. Vous pouvez le faire au niveau individuel, mais au niveau collectif, on peut pas. Bonjour, Steve. Mais je pense que ces phénomènes, ces choses-là, c'est des phénomènes culturels. Dans le fond, c'est des petits cultes. Mais oui, ça prend de plus en plus de place parce qu'il y a une génération qui est très, très branchée. C'est celle des jeunes baby boomers, je dirais, là. Je veux dire, bon, c'est eux autres, là, qui alimentent ça beaucoup. Des gens de la génération d'Élisabeth de Caligny. Bon matin, Sonia. Donc, c'est ça. Prenez, elle, c'est un peu ça, là. Mais celle, elle touche à tout. Elle ratisse large, pourquoi? Parce que, bon, elle a une clientèle qui fait qui l'aide. On va dire ça comme ça. Mais elle, c'est une avocate de Paris. Une ancienne avocate. C'est quand même surprenant. Moi, je trouve ça très surprenant. On est loin de Jacques Vergès. Je ne sais pas quel type de droit elle exerçait, par contre, là, c'est du droit commun ou. Mais il reste que c'est des gens un peu dans son genre, je considère, qui sont dans ces choses-là. C'est-à-dire des dames d'un certain âge, beaucoup, puis certains hommes qui sont pas très. En tout cas, qui ont un petit côté comme ça aussi. On va le dire comme ça. Mais c'est, je trouve, c'est générationnel. C'est des jeunes de entre 55 et en montant. Prenez Glenn, sa clientèle, c'est du monde assez âgé. Puis ça va disparaître. Je veux dire, ces gens-là, ils vieillissent. Hein? Je pense pas que la jeune génération va triper sur des choses comme ça, tant que ça va être autre chose. Des affaires de grands blonds avec les cheveux passés au fer plat, je pense pas que ça les intéresse tant que ça. Hein? Donc, c'est correct. Tant mieux. Il y a des choses, on dirait qu'il faut que ça vieillisse puis que ça meure, on n'a pas le choix. Moi, je passerais pas, je voudrais pas vivre dans une société qui s'est rendue qu'il y a des temples pour ces affaires-là. J'aurais bien de la misère. C'est drôle, c'est beaucoup. Des gens, à la base, ont un niveau universitaire, oui. C'est ça, je vous dis, c'est comme Evan Gates, c'était du monde assez intelligent, des hauts QI, mais ça n'a rien à voir avec la conscience, l'intelligence intellectuelle, mécanique, puis le niveau d'instruction. Ça n'a rien à voir avec l'instruction, l'éducation, c'est pas pareil. Il y a des gens qui ont des hauts niveaux d'instruction, ils n'ont aucun discernement. On dirait que quand il est enfant, il n'a pas eu l'éducation. Et où il y a eu un manquement, puis cette génération-là, il y a une coupure particulièrement. C'est pas parce que des gens ont un très haut QI qu'ils ont du discernement à tout casser. Si vous regardez là, les dernières vidéos de la gang d'Evan Gates, ça fait pitié, là, c'est triste. Comment ces gens-là étaient. En tout cas. Oui, effectivement, ça se vérifie. Mais oui, c'est constatable. Les gens qui vont réellement réussir, c'est pas des très hauts QI, mais c'est des gens qui ont une certaine présence, une certaine conscience. Comme j'ai publié dernièrement une vidéo par rapport à Collis Potter Huntington, ce gars-là, c'était pas quelqu'un avec un haut QI là, mais c'est quelqu'un de très brillant. Je parle au niveau de la conscience puis de la d'être visionnaire. Puis j'ai quand même un respect pour, parce que il est parti de rien. Lui, il vient d'une famille pauvre. Il n'y avait pas rien. Puis, ils ont ouvert un magasin général. Il s'est mis à fournir des mineurs, des prospecteurs. Puis, il s'est rendu compte qu'il avait un talent pour les affaires. Puis, il a ouvert un autre magasin général, puis un autre, puis un autre. Puis, à un moment donné, vers la fin, là, c'était rendu un trust des chemins de fer. Il était quatre. Puis, c'était dans les gens les plus riches du pays. Hein? Les derniers seront les premiers. Moi, mais pas ici. C'est pas supposé être dans notre enfer matériel. Mais il reste que lui, on a même une ville au Canada, au Québec, qui s'appelle Huntington. Je pense que c'est lié à lui. Ça doit être quand le chemin de fer est arrivé. Ils ont nommé la ville en son honneur, probablement. Mais c'en est un, ça, un bonhomme très impressionnant, qui a eu une vie très remplie, qui était très intéressant. Bon matin, Robert. Donc, il reste que les niveaux d'instruction, ça veut rien dire. Moi, à mes yeux, ça compte pas ben ben. Ben franchement, c'est pas ça. C'est pas ça qui est déterminant. Vraiment pas. Puis on le voit avec des cas comme lui, là. Comme ce gars-là. C'est vraiment sur le tas qu'il a appris. Mais il savait compter et c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Savoir compter, puis être terre à terre. Être terre à terre, puis réaliste. En même temps, être visionnaire, voir d'avance. Quand je dis visionnaire, c'est voir d'avance. Lui, il a vu d'avance. Après la guerre hispano-américaine, il y a des régions comme la Californie, c'était terrible, c'était pas développé, c'était. Il a vu, lui. Il savait. Il le savait. Puis, la suite, on la connaît. C'est devenu l'une des pires usines à merde au monde, la Californie. Pour aujourd'hui, ben, c'est la capitale du Nouvel Âge, puis c'est les gens les moins terre-à-terre qui sont là. Il y a des personnes qui vivent en Californie, qui vivent très bien, que n'importe où ailleurs sur Terre, ils seraient dans la rue. C'est quand même spécial, là. La mère de Sylvester Stallone qui lisait l'avenir dans les cracks de fesses. Puis, on ne faut pas ça ailleurs. C'est n'importe quoi. Ben, franchement, là. Il y a des grosses villas là-bas, des grosses villas californiennes complètement aménagées pour les esprits. Il y en a, ils pensent à une certaine maison. Il y en a plein d'autres. Il y a plein de. C'est n'importe quoi. Mais si vous regardez la Californie, ça suit une faille tectonique. Moi, je pense qu'il y a de quoi qui est lié à ça. Aussi, les montagnes, certains coins, qu'il y a beaucoup de montagnes. Il y avait une secte de fous qui était en Californie, puis à un moment donné, ils n'ont pas eu le choix de déménager. Je ne sais plus trop pourquoi. Ils ont eu des problèmes avec l'État. Ils sont allés où? Dans les montagnes du Colorado. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. C'est des choses qui dépassent l'entendement parce que justement, c'est pas rationnel. C'est irrationnel. C'est l'irrationalité qui mène le monde. C'est pour ça que moi, je vous dis, l'intelligence artificielle, elle a pas un coup d'avance. L'intelligence artificielle, elle peut pas deviner des gens irrationnels. C'est impossible. Puis l'être humain est profondément irrationnel. C'est ça qui mène les marchés. C'est pour ça que c'est des individus, ils vont avoir des rendements supérieurs à l'intelligence, les programmes d'intelligence artificielle. C'est sûr, parce que le marché n'est pas rationnel. Il faut savoir compter, mais il ne faut pas juste savoir compter. Parce que, bon, les mathématiques, c'est de la mécanique pure, si on peut dire. Puis, mais il reste que c'est l'irrationnel qui mène. Cette époque que nous vivons est extrêmement intéressante, oui. C'est vraiment des temps extraordinaires. Des fois, j'ai l'impression d'être dans le cosmos 1999. T'sais, des madames avec les cheveux mauves, puis une Sonia, depuis que tu m'as appris là, la mort d'une certaine fille, je pense pas mal. J'avoue que ça me dérange. Mais c'est. Qu'est-ce que vous voulez? Je me rappelle, t'sais, il me revient des choses. C'est comme ça, hein? Ben oui. Mais il reste que. Ben, prenez le film Orange Mécanique. Là-dedans, il y a des femmes avec les cheveux roses, puis violets, puis. On est là. On est là-dedans. Puis, c'en est une époque d'hyper-violence. La jeunesse est complètement. Comment je pourrais dire ça? On dirait qu'ils sont anesthésiés. Éventuellement, ils seront euthanasiés, mais en attendant, ils sont anesthésiés. Puis on dirait qu'ils ont besoin d'hyper. Ils ont besoin d'émotions fortes. Ça peut peut-être expliquer pourquoi il y en a qui me font choquer exprès. Hein? Je pensais à Orange Mécanique, moi. Oh oui, ce film-là, il y a quelque chose de visionnaire là-dedans. Puis justement, ceux qui payent pour dans le film, c'est un couple d'espèces d'intellectuels artistes complètement déconnectés. Puis ils passent au cash, hein, mais le bonhomme, il finit qu'il se revenge, mais il risque, c'est cette génération-là. Moi, je trouve que ça ressemble, les baby boomers, ils ont quelque chose de comme ça. C'est pas des espèces de beatniks, comme le couple qu'il y a dans le film, mais il reste que. C'est eux autres qui vont payer pour cette jeunesse d'anesthésie-là. Je veux dire, ils vont se faire passer au cash. En tout cas, il reste que c'est tellement. Le fait que je me suis enfermé étant jeune beaucoup dans des traités d'étiquette des années 1900, des choses comme ça fait que ça m'a préservé jusqu'à un certain point, mais il reste que je vis dans un monde que je comprends mal. En même temps que je le comprends trop. C'est pas le fun. Je trouve que c'est tellement laid. Tout est laid. Bon, il marche, lui, un matin. C'est fou car tout ce qui apparaît dans les films se matérialise des années après. Un vrai centre hypnotique. Ben, les artistes sont des médiums, quelque part. Ils sont liés à l'âme. Puis les programmes, ça vient de ces liés à l'âme. Même futur. Même peu. À coup de suggestions hypnotiques permanentes, je suis pas sûr, là. Je me demande si on se mélange pas entre la cause puis l'effet, là. Parce que peut-être qu'il y a des artistes qui canalisent ce qui vient. Il est des visionnaires. Stanley Kubrick, c'est un visionnaire, quelque part. Même si je l'aime pas. Ben, ben. Malgré que, Moi, j'aime beaucoup son film Shining. Pourquoi? Parce que il a capté ce que moi, il me fait peur dans le côté art déco puis les années 30. Que moi, ça, les années 20-30, j'ai bien de la misère. Pour moi, c'est morbide. J'aime pas ces années-là. On banalise tout avec les films, la violence, surtout, ouais. J'en écoute plus ben de films. Je suis plus capable. Surtout ceux faits après les années 2000, ils sont pas bons. Ben, ils sont pas bons. C'est une appréciation personnelle, là. C'est subjectif. Je les aime pas. C'est plus objectif de dire ça. Des grands films, c'est rendu rare. C'est rendu rare. Il n'y en a pas vraiment. Tout ce qui est présenté comme des chefs-d'œuvre dans les dernières décennies, je trouve c'est de la. En tout cas. Mais bon. La violence, il reste que. La pire des violences, c'est celle qu'on voit pas. Comme ce qu'il y a eu pendant le COVID, c'est de la violence. Forcer, manipuler des gens à ce point-là, puis au niveau psychologique, leur faire la guerre psychologique à ce point-là, c'est de la violence. Hein? Visionnaire, certes, mais quel est l'objectif pour nous? Nous prévenir, je sais pas. Et de quoi? De l'absurdité inévitable. Ben là, je sais pas, vous êtes fataliste, je trouve. Il y a des bons côtés aussi, là. Les films sont abrutissants maintenant, oui. Puis je pense que c'est voulu. Mais ils l'ont tout le temps été un peu. Hein, si on regarde dans le temps, là, dans les années 30, Shirley Temple, c'est pas très, très... c'est abrutissant aussi, là. Hein? In a good ship, lollipop. Aussi bien, se tirer une balle dans la tête, si on aime ça. Tu étais voir Testament de Denis Arcand? Non. Puis, je vais être franc, j'aime pas ces films, mais ce monsieur-là, ça, il me choque trop. Il me choque trop. J'avais vu le déclin de l'Empire américain dans le temps, puis j'avais été tellement choqué. J'étais tellement en rage noire. Il y a tout ce que je déteste là-dedans. Exactement tout ce que je déteste des universitaires intellectuels qui parlent pour rien dire autour autour de coupes de vin, puis qui sont complètement décadents. Dorothée Berryman, qui est une espèce de folle du cul. C'est dégueulasse. C'est un film dégueulasse. Ça m'écœure. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Ça en est de la violence aussi. C'est de la violence aussi, ça. Moi, bon, en tout cas, je trouve ça violent. Ils annoncent leur plan dans les films. Il y en a pas mal qui pensent ça, mais ça dépend des films. Parce que faut pas oublier, la Californie, c'est des sectes. Les États-Unis, ça a été fondé par des sectes, puis ils se battent entre elles, au niveau de l'influence. Puis... Si vous prenez le premier, le Hocus Pocus, avec Bette Midler, puis que vous regardez son costume, il y a le triskel de l'île de Man sur ses manches de robe. Donc, on peut l'associer à l'île de Man, au Pays de Galles, à l'Irlande. Sarah Jessica Parker a fait penser un peu à l'Écosse. Elle était bien en bleu mauve. Il y a l'autre, là, l'autre actrice, elle, c'est comme l'Angleterre. C'est une grosse madame rouge. Hein? C'est codé, mais c'est là pareil. Hein? Quelle serait la différence entre fatalisme et réalisme? C'est une vraie question. Je dirais que le fatalisme, c'est une position qu'on peut rien faire avec, dans le sens qu'on peut pas exploiter ou transmuter pour le négatif en positif. Tandis que le réalisme, ça, c'est une vue d'opportunité aussi, puis de capacité à composer avec, à faire avec. Il y a quelque chose qui peut être créatif avec le réalisme. On peut être créatif avec le réalisme. Tandis que le fatalisme, ça aboutit à une forme de créativité mortifère, qui aboutit à des, comme les gens qui écrivent des tragédies. De voir le monde comme une tragédie, c'est pas nécessaire. Bonjour, Louis. Donc, il risque, mais c'est intéressant pareil. Mais être fataliste, c'est comme abandonner. C'est comme être, c'est ça que j'aime pas. Tandis qu'être réaliste, qu'on voit les choses comme elles sont, on voit aussi les possibles. On voit aussi comment faire avec. Ben, moi, je trouve ça intéressant comme ça. C'est comme ce qui se passe en ce moment au niveau de ce que Trump fait. Si le monde comprend, il y en a qui disent, ben, comment tirer profit de ça en investissant dans l'armement? Les autres sont fatalistes puis ils comprennent pas. Je veux pas à investir dans l'armement. Même si C'est comme là, il y en a, c'est déjà arrivé, une compagnie liée au militaire que j'avais mis de l'argent, mais en ce moment, c'est trop cher. Puis, c'est pas intéressant. Mais il reste que ces temps-ci, je vois beaucoup de les paniques le matin, puis là, ça se réajuste dans la journée. Les gens paniquent. Ils paniquent. Puis c'est pour ça qu'ils perdent. Oui, bien sûr, ne pas occulter les systèmes de polarité. Ben, c'est parce que une fois que c'est polarisé, après, ça marche avec l'inversion. C'est comme, si on regarde les marchés, c'est tout est basé sur de la confiance puis de la crainte. C'est avec les craintifs qu'on fait de l'argent. Des fois, je vois des plafonds, je mets souvent des prix qui n'ont aucun sens. C'est des plafonds, ça n'a aucun sens d'acheter à ce prix-là. Il faut être complètement fou. Ben, il y a tout le temps un naïf qui le fait. Puis une fois que ça passe, je me dis, pauvre, regarde, pauvre homme qui a acheté ça. J'en reviens pas. C'est incroyable comment les gens sont irrationnels. C'est ça, c'est toujours une histoire de crainte. Oui, mais de confiance aussi. Puis c'est de l'irrationnel. Bonjour, Ariane. Donc, ah, vous êtes encore parfait. On va avoir la paix. Donc, il reste que c'est comme ça. Souvent, des fois, je vais mettre des prix, c'est tellement haut, mais je le sais que c'est un plafond, je le sais que ça va monter jusque-là. J'arrive pas à croire qu'il y a des gens. C'est incroyable. C'est incroyable. Ou bien je vais mettre un prix pour des planchers. J'achète vraiment pas assez cher. Là. Ça vaut pas mal plus. Il y a tout le temps quelqu'un pour me vendre. Ça aussi, ça me dépasse. Ça me dépasse comment les gens sont fous. C'est de la folie, là. Si vous êtes lucide, servez-vous de la folie des autres. Je veux dire, rendu là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Puis aussi, ben, les autres apprennent comme ça. Ils vont apprendre. Je veux dire, il n'y a pas de honte à avoir, là. Il n'y a pas de scrupule à avoir à ce niveau-là. Comme je le sais que vous prenez dans le cabinet de Trump, il y a un catholique, hyper catholique, là, qui est allé se montrer en spectacle avec une croix de cendre dans le front quand c'était le mercredi des cendres. C'est un fou, ça, tant qu'à moi. Ou bien, il n'est pas authentique, il joue un rôle, là. Mais le fait est que la plupart des catholiques refusent de spéculer pendant le carême. J'ai pas vu ça, moi, dans la loi canon, dans les lois canon. J'ai pas vu ça. Ça sort d'où, ça? Pourquoi? Je veux dire, c'est ridicule. Entre Noël et le jour de l'an, il y a des fenêtres. C'est quand même pas croyable. J'ai de la difficulté à y croire des fois. Je regarde les sous et je me dis, les gens sont fous. C'est de la folie, là. Si vous comprenez l'irrationalité des autres, vous allez toujours vous en sortir. Dans le fond. Des comportements irrationnels et voyeuristes. Ouais, mais là, je dirais exhibitionniste. L'autre avec sa croix dans le front, là, j'en revenais pas. Puis là, je me dis, il s'en vient quelque chose. Puis là, à un moment là, je regarde ça. Puis là, c'est là, j'ai dit, là, j'ai vu. Le prix de l'or va monter d'un coup. Là, c'est là que j'ai fait trois petites vidéos qui succédaient. Mais là, il n'y a absolument personne qui a compris. Moi, c'est ça qui me dépasse. Pourtant, je le montrais, je montrais les graphiques. Je montrais tout. C'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est drôle, plus c'est absurde et irréaliste. Plus la croyance est installée, oui. Ben, à un moment donné, on quitte le plancher des vaches, puis ça peut être des gens très, très lucides, très, très instruits. Mais ils comprennent pas certains processus. Puis à un moment donné, ils quittent le plancher des vaches, puis ils fly, puis ils le savent pas. Ils s'en rendent pas compte. Ils vont le rendre juste après coup. Ils s'en rendent compte juste après coup. J'ai un ami en pèlerinage à Notre-Dame de Chartres. Aujourd'hui, j'aurais aimé y être aussi. Ah, ben, si vous aviez pu, j'imagine vous seriez allé. Ici, les pèlerinages, il n'y en a pas tant que ça. Il y a une basilique là. Bon, en tout cas, on en a quelques-uns, mais c'est pas pareil, là, comme ce que vous avez en France, ou en Europe, ou ailleurs. Je veux dire, c'est quand même incroyable, les circuits qu'il y a, là. Mais. C'est une belle occasion de voyager avec du monde, au moins que vous savez qu'ils vont pas se saouler dans le voyage. Vous aurez pas un fatigant alcoolisé qui fatigue tout le monde. Vous aurez pas Il y a d'autres sortes de fatigants, par contre, dans ces voyages-là. C'est une belle façon de faire du tourisme, entre autres. C'est les premiers touristes, les pèlerins, au fond. C'est eux autres qui ont fait la finance quelque part, parce que c'est pour les protéger que les Templiers sont formés en ordre pour protéger les chemins des pèlerinages. Il y a l'entrée, un des plus vieux labyrinthes du 12e. Ah oui, il est par terre dans le carrelage, là. Sous une forme de marqueterie de pierre. Ouais. Ben, ces choses-là, ça s'est perdu en partie. Mais ce que ça symbolisait, justement, c'est le pèlerinage entre les monts. On est ici pour retourner à. Il faut faire nos preuves. C'est l'homme, hein, qui est mis à l'épreuve. C'est même pas l'ego. C'est pour ça que ça me fait rire les gens qui capotent sur la réincarnation. C'est pas l'ego, là. C'est de la mémoire qui se réincarne. Mais eux autres, c'est comme si c'était l'ego qui se réincarnait. Ça meurt, ça. L'ego, ça meurt. Désolé. C'est pas ça qui revient. C'est pas cette mémoire-là qui revient se remettre à l'épreuve dans l'enfer matériel. C'est l'ego qui subit, par contre, mais ça prend un véhicule, hein, ça prend. Bon. Mais c'est correct. C'est correct. Mais c'est justement cette chose-là qui va être brûlée. Si ça marche. Si ça marche. Mais on en a besoin le temps qu'on en a besoin. C'est comme on a besoin de souliers le temps de faire un voyage. Puis une fois rendu à. Bon, on peut enfin se reposer ou les enlever. C'est comme ça. C'est terrible tout ce qui a été perdu. Moi, c'est ça qui me dépasse. D'un autre côté, ça va être retrouvé. On n'aura pas le choix. Ça passe ou ça casse. Donc, je suis curieux de ce qui se passe en ce moment en France, là. Vous êtes en pleine guerre froide. C'est une ambiance de guerre froide, là. Macron et sa trousse de survie devraient commencer à réfléchir à sa survie à lui. Parce que le moment venu, ils peuvent s'en débarrasser. C'est déjà pauvre tête de haricot. J'avais quelqu'un proche, je disais, oh, il paraît bien, il est beau, hein? Il y a une espèce de grosse tête de haricot. C'est trop large ici. Puis, moi, je trouve qu'il est. Imaginez-le, la tête rasée. Ça doit être terrible. Chacun ses goûts, hein? Mais c'est peut-être parce que c'est ce qui dégage, hein? Ce qui dégage Macron, c'est tellement laid que c'est ça aide pas. Il y a aussi cette espèce de façon de s'habiller. Il y a un côté fin des années 50, début 60, là, avec ses petites cravates étroites. Puis. Mon Dieu, que c'est. Ouais. Qui sème le vent récolte la tempête. Ouais. Ça dépend. Il y en a qui vont récolter. Ils sèment la brise, puis ils vont récolter l'ouragan. Hein? C'est quoi, je regardais Dorian? J'ai jamais été capable d'écouter le film, là. Le vieux film, Le Magicien d'Oz, le colorisé. Je regardais des extraits, dernièrement, mais j'ai jamais été capable de l'écouter. Ben, il y a quelque chose là-dedans. Puis même l'histoire en général, je sais qu'il y a une analyse, il est possible de le voir selon une dialectique de sociale. Puis il reste que je regarde ça, puis je me demande tout le temps. En tout cas, il y a quelque chose de. C'est socialiste, hein, quelque part, beaucoup. Puis si on peut faire tellement de lectures différentes, c'est. Comme les singes volants, ils ont des chapeaux turcs. Pourquoi? Pourquoi leur avoir mis des débardeurs, des vestes à la turque avec. Je veux dire, dans cette version-là, on ne le voit pas nécessairement. Dans les extraits que j'ai vus, c'est pas clair, mais ces singes volants-là sont souvent représentés, vous savez, avec les chapeaux turcs qui ressemblent à des corbeilles à papier, là. Pourquoi? C'est des symboles importants. Moi, j'ai l'impression que c'est comme des Shriners. Ça me fait penser à eux autres. Puis, il y a quelque chose qui est dit là-dedans. Il y a quelque chose qui est dit là-dedans. C'est pareil, il y a un paquet d'autres affaires qui ont été faites, semble-t-il, pour éduquer l'inconscient des enfants, pour les protéger, peut-être qu'ils développent quelque chose, puis que plus tard, ça leur revienne, puis qu'ils se rendent compte. Ou même qu'à leur insu, les armées à leur insu. Regardez le film du début des années 90, le film britannique, qui est basé sur un livre d'ailleurs, Les sorcières. Ils font une espèce de réunion dans un hôtel, puis il y a une de ces femmes-là qui, elle, est chargée d'être la surveillante puis de barrer les portes. Puis l'espèce de chef de tout ça, avant de se dévoiler ce qu'elle est, elle dit « Est-ce que les portes sont bien fermées? » Puis blablabla. Puis l'espèce de femme surveillante, elle montre les clips, elle dit « Les portes sont fermées, là. » Mais ça, on voit ça, il y a ça en franc-maçonnerie. Ce qu'ils appellent le grand surveillant, puis il y a une espèce de cérémonisation de est-ce qu'il a été vérifié qu'il n'y a personne, puis ben, est-ce que les portes sont bien fermées, puis là, il y a une espèce de cérémonie où des clés sont montrées, puis, oui, les portes sont bien fermées. Il y a quelque chose là-dedans qui semble avoir été fait pour éduquer l'âme des enfants, pour les prévenir. Il y a certaines œuvres qui sont comme ça, c'est ce que j'appellerais l'anti-Hollywood. C'est comme si c'était fait pour défaire ce que les autres font. Puis c'est pareil, il y a un paquet de comme un paquet de choses. Je veux dire, il faut pas oublier qu'il y a des groupes qui ont pas les mêmes intérêts. Puis ça rappelait Thuilly, parler de la société Thuilly. C'est un autre affaire, ça. C'est une autre affaire, si c'est de ça que vous parlez, là. Mais il reste que, au niveau de la culture populaire, il y a une guerre. Puis cette guerre-là, elle est inscrite d'une façon archivée dans la culture populaire. Puis la guerre, c'est pour l'âme. Moi, je le vois comme ça. Voyez-vous un aspect positif dans la franc-maçonnerie? Non. Zéro. Rien. Non. Pas du tout. Hein? Non, lui. Non, lui. Non, Thuilly, je connais pas. Je vois pas de quoi vous parlez. Mais il reste que. Non, moi, je vois rien de bon dans. Je le sais pourquoi ça a été créé. C'est lié, entre autres, à la finance, puis à certains projets liés à rebâtir un jour un certain temple. Hein? Puis je vois rien de bon là-dedans. Puis on le voit aujourd'hui. Je veux dire, ça paraît de plus en plus, puis plus c'est visible, moins c'est vu. C'est quand même curieux, mais semblerait. Cela veut dire que le temple est sécurisé, oui. Ah oui, c'est. Donc, il peut exister des systèmes 100% négatifs. Ben, il y a peut-être du positif, je le sais pas. Mais moi, je le vois pas. C'est ça que je vous dis. Moi, j'en vois pas. Puis j'ai un irrespect total. C'est pour ça qu'il y en a des fois, il faut débattre dans le respect. Non, non, si vous êtes là-dedans, il y en a pas, je ne serai pas capable. Je suis pas capable. Parce que ça va totalement contre mes valeurs. On va rebâtir le temple de Salomon. Salomon qui est un magicien au sens antique du terme, c'est-à-dire qui invoquait des démons. On est dans quelque chose qui est totalement anti, contre notre civilisation, là. Bonjour, Martin. C'est contre notre civilisation. D'ailleurs, Saint-Martin qui avait sa hache puis qui a coupé l'arbre des Germains, leur arbre de païen, de culte de la nature, puis de l'arbre celtique aussi, jusqu'à un certain point. Saint-Martin, c'est la hache, hein? La hache sacrée, celle qui fend le bois d'acacia puis qui devient parfumé, ou le bois de santal. Pis. En tout cas, si on est dans des choses, les prénoms qu'on a dans notre culture occidentale sont très importants. Ils ont toutes des significations. Bonjour Berthold, connaissez-vous le livre de Jacqueline Berger, La philosophie universelle? Non. Juste le titre, une philosophie peut pas être universelle. On n'est plus dans l'universel, on n'est plus dans la philosophie. Ça fait penser à ce comme le relatif et l'absolu. Le relatif peut pas être absolu. La philosophie, c'est relatif. Ce qui nous a été donné en dépôt, puis qu'on a au niveau de notre civilisation par rapport à notre âme occidentale, ça, c'est universel. ça rejoint l'universel. T'sais, il y a un absolu. Mais les philosophies, c'est quoi une philosophie à la base? C'est supposé être quelque chose de pratique, c'est supposé être lié à la sagesse, c'est-à-dire bien vivre sa vie. C'est tout. Mais ça, c'est relatif, là. C'est pas absolu. Ça peut pas l'être. Donc, non, juste le titre fait que ça m'attire pas des livres comme ça. Je préférerais lire Emmanuel de... Non, je connais pas. Les tables de logarithmes sont plus intéressantes à lire. Que, je veux dire, je l'ai pas lu, que donc c'est subjectif, là, ce que je vous dis. Mais non, on est dans de la littérature qui, moi, m'intéresse pas. Mais ça dépend, là. Il y a des livres que je vais avoir comme référent. Pourquoi? Ben, au cas où je sois confronté à, comme j'ai le livre de Mormon, il est dans mon entrepôt, mais je l'ai. J'ai le livre des dévots de Krishna, j'ai toutes ces cochonneries-là. Je les ai toutes, quasiment. Mais c'est juste un des référents. Des référents. C'est comme, prenez la violence créatrice de Moreau. Ça peut vous servir à le confronter par rapport à son idée de l'immanence, parce que quand il écrit ça, il était complètement dans la transcendance. Je préfère la poésie, la philosophie, on voit ce que ça donne, ben, la poésie, ça dépend, là. Prenez du monde comme Goethe, puis les romantiques, puis la Debussy, puis tout ça. C'est les ancêtres des beatniks, ce monde-là, c'est pas... Ça va finir par donner les hippies, puis le grunge, puis toutes ces cochonneries mortifères-là. À mes yeux, la poésie, j'aime pas la... Je suis pas capable non plus de lire de poésie. Le poète, c'est la... Le poète, c'est celui qui vit intensément ses émotions, hein. C'est celui qui s'abandonne à sa sensibilité un peu au niveau émotif. Donc, à moins qu'il existerait des poésies mécaniques froides, mais je pense pas que ça existe. Prenez les poètes chinois qui s'étaient liés à l'alcool. Il y a eu des poètes chinois, c'était toujours lié aux les vins de blé, qui s'enivraient, puis après ils faisaient de la poésie. Je sais pas, là, ça dépend. Mais bon, moi personnellement, ben franchement, j'ai cessé de lire à un moment donné. Je m'étais remis à lire un peu, puis je me rends compte que j'ai assez lu cette année. Les troubadours ont diffusé leur poésie hermétique. Moi, j'ai les œuvres complètes de Villon, François Villon. C'est tout en vieux François. C'est très difficile à lire. C'est pas de quoi capoter. Ben, franchement, j'ai écrit des textes sur poétique étant enfant. C'était assez fort, mais pas capable de philosopher. Ben, quelque part, c'est pas loin. Bonjour, Virginie. Ben, les poètes. Ben, franchement, vous voyez, là, ça me bloque. Je saurais même pas quoi dire. C'est un domaine que je connais pas. C'est des gens que je trouve, des fois, les poètes les plus connus, c'est des gens détestables. Comment est-ce qu'il s'appelle, là, le français qui est allé mourir dans le désert, là. Voyons, il y en a plusieurs des poètes qui sont allés mourir dans le désert, on vient tout mêler. Ils ont fait un film, les Américains, sur lui, un film dégueulasse. Sur ces poètes-là du 19e, là, qui se réunissaient dans des cafés, puis les poètes maudits, là. C'est dégueulasse, c'est comme film, mais je me doute que c'est proche de la réalité. C'est des espèces de hippies, puis de beatniks, puis c'était du monde. Ça allait dans des fumeries d'opium, ça buvait de l'absinthe, puis c'est des drogués, ces gens-là. Je vois pas ce qu'il y a je vois pas ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Ben, franchement, là, c'est un peu comme... Ben, c'est ça. Hermétique, juste le mot, mais révulse, moi. Ben, ça dépend. Il y en a un poète hermétique, c'est, voyons, comment il s'appelle lui. Ils l'ont pendu. Ils l'ont pendu. Je parle, ils ont fait à croire qu'il s'était pendu. Voyons comment il s'appelle. En tout cas, c'est pas important. Cirque des plaines. Non, non, non, c'est pas de ça que je parle. Je vous parle, mais ben non, ça n'a rien à voir. Je vous parle des poètes français. Bon, si vous faites référence à ce que je parlais, là. Non, c'était un film sur Rimbaud, puis c'était dégueulasse. Un film dégueulasse. Je pense que c'est Leonardo DiCaprio qui fait Rimbaud, puis il est dégueulasse, le film. C'est une horreur. C'est de l'horreur sociale. Moi, je mettrais ça dans, je classerais ça dans horreur sociale. C'est dans les affaires les plus dégueulasses que j'ai jamais vues de ma vie. C'est une horreur, ce film-là. Vraiment, là. C'est monstrueux. Monstrueux comme film. C'est épouvantable. On voit, c'est pas d'hier, hein, que. Gore, oui, d'une certaine façon, oui. Il y en a un là-dedans. Voyons, il joue un autre poète, là, bien connu, qui était chauve, là, puis qui était laid. Je me rappelle plus de son nom. On le voit là-dedans. Lui, Nerval, ouais, ce que lui que je disais, ils l'ont pendu, oui. C'est de lui que je parlais. C'est de lui que je parlais. Les filles du feu. C'est parce que lui, il était dans des sociétés, puis il a voulu transmettre par ses poèmes des choses, puis ils l'ont pas pris. Je vais aller voir si le chat est dans la porte, là. Il est couché. Ben oui, Nerval. C'est tellement tragique. J'ai l'impression qu'un poète, il peut pas être heureux. Il peut pas bien finir. C'est comme des hippies. On dirait qu'il faut que ça creuve à 27. Hein? Mais là, bon, lui, il est mort plus vieux que ça. Mais il risque. J'ai tout le temps cette impression-là de ces poètes parisiens-là d'une certaine époque que c'est des drogués. Ils vont dans des bordels, sont pleins de maladies, sont dégueulasses. J'arrive pas à m'enlever. J'ai vraiment cette impression profonde-là que c'est malsain. C'est comme l'autre, là, George Sand. J'ai de la misère. J'ai l'impression de quelqu'un de profondément détestable. C'est pareil pour nos écrivains là, ici. Là. Il n'y a pas grand écrivain que. Ben, de toute façon, vous savez, moi, j'aime pas ben, tout ce qui est pas. Tout ce qui est pas des ouvrages techniques. Savez-vous comment j'ai fait la plus grande partie de ma culture générale? C'est en lisant des encyclopédies Grolier des années 50. Ça peut expliquer certaines choses. Ça peut expliquer certaines choses. Vous avez bien raison. Quand j'ai dit poésie, c'est quand ça mène la beauté. Oui. Oui, il y a des choses, il y a des grandes choses qui ont été faites en poésie. C'est ça. Mais c'est vrai, quand j'y pense, mais la plus grande partie de ma culture générale vient d'avoir lu des encyclopédies Grolier des années 50. Puis même d'avant, des encyclopédies d'avant, des années 30-40. Puis aussi les manuels d'étiquette du début des années 1900. Ces choses-là. Mais d'une certaine façon, ça fait de moi peut-être quelqu'un d'anachronique. Je suis devenu quelqu'un d'anachronique. Puis je me sens enfermé là-dedans. C'est comme mon frère, quand il était enfant, il lisait beaucoup La Comtesse de Ségur. Ses livres d'enfants, c'était ça. Puis aussi les Contes de Montmoulin, ou je sais pas trop. Puis mon frère est resté quelqu'un de très, très, très sensible par rapport à tout ce qui est la maltraitance des animaux, des enfants. C'est une bonne chose quand même, mais il reste que c'est. Moi, je vois un lien avec ce qui était ses livres d'enfants. Ce que lui est enfant, parce que mon frère étant enfant, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup. Puis aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, c'est pas quelqu'un qui lit. Mais il reste que c'est quand même curieux. C'est quand même spécial. Hein? C'est comme. Moi, j'ai. Au niveau des choses dans ce genre-là, C'était plus genre comme Lucy Maud Montgomery. Je reste un Canadien, hein. Donc, c'est les choses que j'avais accès. Puis, mais il reste encore des récits du début des années 1900 qui m'ont enfermé un peu dans une mentalité qui est plus courte et qui n'existe plus vraiment. Puis, bon, fait que donc peut-être ça me rend anachronique, comme je vous disais. Mais il reste que c'est tellement formateur de lire quand on est enfant, puis ça a une certaine importance. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça sert assez peu que le cinéma, quelque part, ce qui est au programme dans les écoles. Mais bon, pourtant, c'est des choses primordiales, fondamentales. La lecture, c'est fondamental, surtout pour un enfant, que le cerveau est en train de se former, que... Mais c'est quand même curieux quand je regarde ça, que c'est surtout des femmes que j'ai lues étant enfant. Je parle pour ce qui est de la fiction, là. Puis mon frère aussi. Mais peut-être, moi, je sais que mon frère a lu les contes de Perrault étant enfant. Moi, j'avais lu les contes Hans Christian Andersen. D'ailleurs, j'ai une édition de ses œuvres complètes en cuir de daim, puis une vieille affaire, là. Ça doit avoir une certaine valeur. Mais il reste que ces choses-là, ça se perd. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est des conneries, genre Harry Potter ou je sais pas, là. À un moment donné, j'étais à la bibliothèque, puis ça fait longtemps, là, ce que je vous dis là, c'est au début des années 2000. Puis je vois des gens, des adultes, là, ils sont tous en train de louer des livres pour enfants. C'est clairement, je veux dire, par la couverture, je vois que c'est... Je comprenais pas. Je comprenais pas. On est vraiment Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, ça fait longtemps que je suis pas entré dans une bibliothèque. C'est comme ça. Il va falloir interagir plus que ça, là, parce que là, je commence à monologuer. J'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est Sonia aussi, les affaires de Lucy Maud Montgomery aussi, ça a dû jouer un certain rôle, là. Parce que voulez-vous, c'était dans les choses qu'on avait. Le coloriage pour adultes, oui, c'est spécial, hein? Il y a eu une mode d'art-thérapie de psychologie analytique à tendance jungienne. Puis à un moment donné, j'ai vu ça, les coloriages pour adultes, les mandalas. Moi, quand j'étais enfant, ça n'existait pas, des affaires de même. Un coloriage pour adultes. Commencez-vous par vous... Faites des vrais dessins, tant qu'à faire, il me semble. Voyons, là. Tout art est, selon moi, une lecture personnelle de l'artiste de l'astral collectif. C'est compréhensif qu'une œuvre ne convienne pas à toutes les sensibilités. Oui, mais il y a des œuvres qui sont visionnaires, donc qui ne viennent pas de l'astral, qui viennent de l'esprit. Il y a ça aussi. C'est pas juste de l'ordre de l'âme, là, l'art. Il y a des artistes visionnaires, que c'est un contact avec l'esprit, vraiment. Puis, Cassé, vraiment visionnaire. Mais c'est rare. C'est tellement rare. Mais bon. Prenez, comment il s'appelle lui? James Cameron. C'est un des rares cinéastes américains que j'ai un réel respect. Il y a quelque chose de visionnaire. Là, moins dans les dernières années, il s'en vient vieux. Mais il y avait quelque chose. C'est quelque chose. Hein? Il y a une régression spectaculaire des adultes. Ouais. Ça, c'est vrai. Son puéril. Son puéril. Il manque quelque chose. Il y a eu une coupure. Ce qui est arrivé, c'est que, à partir des années 60, les valeurs changent. Les valeurs changent. Puis, il y a une coupure avec quelque chose. Puis, c'est difficile de recouvrer ça, à moins d'être fou comme moi, puis de s'être enfermé dans des vieilles affaires longtemps, puis d'avoir passé son enfance là-dedans. Puis ça, ben, c'est presque plus possible, là. Ça, c'est plus possible. Donc, c'est une coupure consommée. Prenez ce qu'on a eu dans les années 70, les émissions pour enfants des années 70, c'est épouvantable. Ça commence, là, à être... Là, on voit la coupure, les gens qui ont été coupés, là, ce qu'ils veulent perpétuer. Puis, couper encore plus. Bon, écoutons. Hein? Je me souviens pas avoir vu de l'or... Mental, ça existe. Ben oui, ça existe. Moi, je trouve Escher. Certaines choses d'Escher. En tout cas, ceux qui ont découvert ceux qui ont découvert les façons de faire des graphiques fractales. Tout ce qui est de l'ordre de certains types de géométrie. Ça, voyons, il y avait un moine bénédictin qui faisait des arrangements. En tout cas. Dommage pour le live d'hier, j'aurais bien aimé l'entendre. Je suis arrivé à la fin. Ben, t'as vu le meilleur. Non, c'est une farce, là. Ben, je l'ai effacé. Pourquoi? Je me le suis fait gâcher complètement par un troll. Enfin, bon. Ben là, ça devrait être correct aujourd'hui. Ma sœur est devenue collectionneuse de livres pour enfants. Tout ce qu'elle n'a jamais voulu voir, elle le transpose là. Mais dès que je parle du réel, elle s'enfuit. Ouais. Ben, même dans mon entourage proche, j'ai des gens que je comprends pas qui achètent des vieux livres pour enfants comme pour recouvrir une enfance qu'ils n'ont pas eue. Donc, c'est quoi ça que Xenakis? Xenakis. En tout cas. Mais non, il y en a qui ils veulent recouvrir une enfance qu'ils n'ont pas eue. C'est dangereux. Moi, je trouve ça dangereux. Puis après, ils projettent sur les enfants de leur entourage, puis ils veulent à tout prix là qu'ils lisent tel livre, puis qu'ils leur font des cadeaux que ça n'intéresse pas l'enfant. Quand vous faites des cadeaux à un enfant, il faut vous intéresser à ses intérêts à lui. Il faut que ce soit pour lui le cadeau, pas pour l'enfant que vous auriez voulu être. C'est une question de voir l'enfant là-dedans. C'est une personne, là. Il y a une personne. Les gens voient c'est comme si c'était pas encore des voyons, là. Ça me choque. C'est des affaires qui me choquent, mais bon. Mais d'un autre côté, c'est une bonne chose parce que j'ai pas d'enfant. Parce que probablement qu'ils seraient traités tellement comme des adultes que je serais peut-être dur un peu. Puis ça, c'est fini sur un arrêt sur image de thé qui flotte dans les airs. Ben, c'était mon café. Ben, j'étais tellement en colère. C'était un miracle ce matin que le matériel marche. Tellement j'étais en colère. Mon micro, il a fallu que je le remonte. Il était en morceaux. Ma souris, là. J'ai donné un coup de poing sur la table tellement fort que les choses ont. Hein? L'enfant est capable de se connaître ses besoins. Ben, ça dépend sur quoi. Pas sur toutes. Je veux dire, parce qu'il y a une immaturité sur certaines choses. Donc, c'est pour ça que j'ai bien de la misère aussi avec ce qu'on pourrait appeler les philosophies pédagogiques de maintenant, qui n'ont aucun sens à mes yeux. Tout est inversé et on va vouloir responsabiliser l'enfant dans des choses qu'il a pas la maturité pour, puis il y a d'autres choses où qu'il faudrait le responsabiliser pour ça, puis il le sera pas. Mais ça, on est dans la merde depuis toutes les théories de conneries, comme par exemple le bon sauvage de Rousseau, puis ces conneries-là. En tout cas. Hein? Compositeur très mental, musique très impressionnante sur papier, mais pas écoutable. Moi. Ouais. Ben, il y a des affaires que c'est parce que le cerveau, il faut que les synapses soient faites pour. Comme juste Rameau, Jean-Philippe Rameau, il y a du monde, sa musique, ils n'entendent rien. Hein. Ils entendent juste comme une espèce de capharnaüm. Ils voient pas les structures, ils captent pas la phrase musicale, ils comprennent pas l'harmonie parce que le cerveau est pas habitué. C'est trop architectural, c'est trop complexe, il le voit pas. Il y a trop d'informations à traiter ou c'est trop intelligent, on dirait, je sais pas. Ou c'est trop dans un type d'intelligence qu'ils ont pas. Mais qui a pas qu'ils sont pas intelligents, mais qui est pas sur certains domaines, dirais. On voit de plus en plus les gens qui vivent leur vie d'une manière totalement externe à eux. Des coquilles de plus en plus vides, automatisées. Les interactions sont donc assez brèves et banales, oui. Surtout dans les grandes villes, je dirais. Mais c'est comme moi, bon, ben, comme hier, là, la colère, je peux vous assurer, c'est tout authentique. Je viens fou. Je viens tellement. Cadeau pour enfant, oui. À part quand on a la volonté de programmer un enfant un certain chemin, c'est ça. Ben, il y en a qui sont encore dans leur problème d'enfant, puis on dirait qu'ils voient au point qu'ils voient pas l'enfant. Ils le voient pas, sont en relation avec eux-mêmes. Puis ils essayent de régler un problème par procuration à travers l'enfant. C'est pas bon, ça. Mais bon, bonjour Christophe. Marco, des livres pour enfants, ça va encore. Ce qui est troublant, c'est l'adulte qui collectionne des verrouaires. Bon, là, on est dans de la névrose. De la névrose totale, là. Il y en a une ici en ville, elle les achète toutes. Tout ce qui est seconde main, je sais pas comment son conjoint il fait. Moi, ça ferait longtemps qu'elle aurait pris le bord de la porte avec sa paquette Barbie. J'ai rêvé qu'une énergie qui se faisait passer pour ma mère me promenait comme une poupée de chiffon dans les airs. C'était très bouleversant. Je me suis dit, c'est pas ma mère, c'est certain, ça. C'est peut-être une représentation de la relation ou de quelque chose du genre. C'est des représentations, hein. Mais c'est lié au rapport à... c'est ça. Les représentations, c'est pour le rapport à soi. Une énergie très noire, ben, c'est un blocage, peut-être. Bon, qu'est-ce qu'il y a de drôle, là? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Moi, je trouve pas ça drôle, là, ces affaires-là. J'ai eu tellement d'affaires à régler par rapport à des programmations familiales. Puis c'est tout fait, là, je parle par rapport à... Là, je suis pris avec mes programmations à moi. C'est moi le pire. Vraiment, là. Mon père, ma mère, c'était des gens pas si pires à côté de moi. Comment que je suis... J'ai pas d'allure. Ça a pas de bon sens. Puis je le vois, je veux dire, là, ça va faire quoi, 2 mois que j'ai arrêté de fumer. J'ai un caractère de l'enfer en ce moment. En plus, j'ai un paquet d'affaires sur le dos. J'ai un paquet d'affaires à gérer. J'ai un paquet de... À un moment donné, j'avais une quinzaine d'affaires, des affaires là, qu'il fallait que je règle vite, là, tout en même temps. En tout cas, je règle à mesure les choses. Je gère. Mais si, bol. Des affaires techniques de fou, puis l'affaire de me faire pirater mon ordinateur, ça c'était le bout de la merde, là, c'était pas le temps. Là, mon téléphone qui marche pas, je peux même plus répondre. Je suis pas collectionneur, mais j'aime les vieux livres. J'ai fait bâtir une bibliothèque par un ébéniste dans mon salon. J'adore voir tout. Ouais, ben moi j'ai bien hâte de revoir mes affaires. Mes meubles. Le secrétaire que j'ai acheté il y a 30 ans, je veux le revoir, j'en ai besoin pour classer mes choses, tout est pêle-mêle, là. Des courtes et blancs symboliques, un jeu extrêmement difficile. Moi, je connais pas. Ben, je sais pas de quoi vous parlez. Mais à la fin, ah, décoder de la... Ouais, ok. Décoder, je pensais, je voyais... C'est de la façon que vous l'avez écrit, je pensais que c'était peut-être le nom d'un jeu de société, je ne le sais pas trop. Mais moi. Ouais. Mais surtout quand que c'est sa propre. C'est décoder ses propres symboles, ses propres représentations, c'est dur. Des fois, ça prend des décennies pour comprendre. Il y a des rêves que j'ai compris juste 15 ans après. Fait que. Mais non, là, comme j'ai quelqu'un dans mon entourage, je comprends pas ça, que je veux avoir mes affaires à vite de même, puis que je me débarrasse de beaucoup de choses qui étaient à ma mère. J'ai besoin de changer de décor, j'en ai besoin. C'est mon deuil, je peux-tu le vivre comme je veux? Ce qu'il y avait de la valeur à mes yeux, puis qui était important, je l'ai gardé. Mais là, j'ai besoin d'être dans mes meubles. Ça fait plusieurs fois que vous essayez d'arrêter le tabac, il me semble, de mon côté, et ça même pas. Bah ben là, c'est pas un essai, là, c'est pas mal définitif. Je suis sûr même que c'est définitif. Mais l'affaire, c'est que je reste dans un état de sevrage permanent. Je suis dans un état vraiment de manque permanent. Ça vient tannant. Il est arrivé des choses dernièrement. C'est incroyable. Je suis surpris moi-même de ne pas avoir commencé à fumer. Avant, il y a des années avant, je me serais servi de ça comme prétexte pour recommencer tout de suite. Puis là, non. Non. Chacun a sa propre architecture en arrière. Ouais. C'est pour ça qu'il faut devenir son propre programmateur, de faire en arrière, construire en avant. Ouais, je vois pas. Chacun, ouais. C'est pour quand à la maison? Oh, je ne sais pas, moi. Moi, je suis rendu avec l'idée que ça se paye d'une shot. Donc, c'est pas pour tout de suite, hein? C'est que j'ai hâte de te voir dans tes affaires. Ben, moi, je suis tanné, là, de. Ben, je suis en partie dans mes affaires déjà, là. Il y a des choses que j'ai, là, que c'est mes affaires. J'ai commencé à transférer des affaires dans mon bureau ici, puis à me débarrasser de choses. Comme la télévision qui a pris le bord. Puis, bonjour, Hélène. Donc, ben oui, j'en ai besoin. J'ai besoin de mon secrétaire. C'est pas juste un meuble, c'est un outil de travail. C'est assis à ça que je travaille. J'ai pas le choix. C'est de la paperasse. C'est de la paperasse, puis de la paperasse. On vit dans un océan d'influence. Bon. On n'est pas obligé de s'étouffer dedans. On n'est pas obligé de se noyer. On peut avoir sortir la tête de l'eau pareil. Lui, je le veux pas. Lui, Bismarcken, je le veux pas. Il veut qu'il soit coupé immédiatement. Je le veux pas du tout. S'il y a moyen de faire de la. Je pensais qu'Ariane était. Je pensais qu'Ariane était. Et voilà. C'est lui, il m'a gâché le direct d'hier. Complètement, là. Mais non, c'est tout. Bon, on continue. De quoi on parlait? As-tu pensé à louer une petite maison? Non, non, je veux pas louer. Ben, je loue déjà un appartement qui me coûte une fortune. Je veux pas louer une maison en plus. Déjà qu'ici, c'est pas chauffé, c'est pas éclairé, pas rien, là. Le dernier mois, là, ça m'a coûté quasiment 600 pièces d'électricité. En plus d'un loyer qui est assez cher. Faites les calculs, ça revient comme si je louais déjà une maison. Puis au prix que sont les loyers par ici, puis au prix que c'est louer des maisons. Ah, je ne l'avais pas vu. Ouais. Bon, c'est pas grave, là. Mais de toute façon, là, c'est fait. Mais non, à un moment donné, là. Non, non, je peux pas. Je vais pas louer une maison. En plus, moi, il faut que je sois en ville, je fais tout à pied. Puis ici, les maisons à louer sont très chères. Okay. Je voudrais votre opinion sur le cul, donnez-nous du crédit à des manifestations psychiques, des anomalies, tout en regardant les phénomènes avec une certaine froideur. Oui, ben c'est ce que je fais. Je veux dire, j'en tiens compte. Puis j'ai des hypothèses de travail par rapport à. Qu'est-ce qui pourrait possiblement, mais j'ai pas de certitude sur rien. Tout ce qui est invérifiable ou incontrôlable totalement. Hein? Bonjour Nini. Donc, moi, l'affaire, ouais, peut-être un jour avoir une maison. Des fois, je pense sérieusement un jour avoir des bâtiments à revenus. Puis de temps en temps, voir si j'ai certaines choses de vacantes, de me promener d'une place à l'autre. Puis c'est ça. Un peu comme Etty Green, elle a fait ça toute sa vie. Puis à un moment donné, elle avait l'appartement même était au nom de son chien. C'était sur la porte, c'était Dewey, Monsieur Dewey. Mais c'était son chien, Dewey. Mais c'est très brillant. C'est très brillant. Là, pour d'avoir le port comme ça, de résidence officielle, puis les impôts devaient capoter. Les fonctionnaires devaient capoter. Elle avait pas d'adresse connue. Elle n'avait pas d'adresse officielle. Elle se promenait d'une place à l'autre. Mais quand vous êtes habitué de vivre d'une façon extrêmement austère, puis de vous laver à l'eau froide, puis j'ai pas de problème, hein. Il n'y a rien là. Quand vous n'avez pas grand-chose, puis. Attends une minute, 600 pièces. J'ai un 4,5, je paye 80 pièces par. Je le sais, mais ici, il fait froid, Puis le bloc où je suis, ça a été mal fait. Ça a été mal fait, puis je chauffe quasiment pas, là. Je chauffe quasiment. Je le sais que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je le sais. Après ça, le monde se demande pourquoi je suis pingre. Ben oui, mais ici, les loyers et le coût de la vie dans mon coin, c'est tellement cher. C'est tellement cher, ça n'a aucun sens. La plupart du monde, là, c'est de peine et de misère, hein? De peine et de misère qui viennent. En tout cas, c'est bon, l'austérité, ben oui. D'ailleurs, c'est avec le temps que c'est devenu péjoratif. C'était pas quelque chose de péjoratif. L'austérité, c'est une saine sévérité. C'est ça, de l'austérité à la base, philologiquement parlant, là. C'est une saine sévérité, une sévérité saine et salutaire. Il y a une autre région du Québec qui t'écœure pas trop. Tu travailles online, non? Beaucoup de possibilités. Je veux pas quitter ma ville. Je veux pas quitter ma ville. C'est ici que je suis bien. La mentalité de la ville. J'aime les gens ici. Même, bon, là, c'est de moins en moins. Les gens sont moins poli qui était, mais il reste que j'aime la mentalité de la ville. Je connais toutes les personnes les plus importantes. Je sais c'est qui. Quand j'ai affaire, des fois, j'ai un petit trouble avec quelqu'un. Je sais c'est qui. Je connais d'où il sort. Je connais son histoire. J'ai pas envie de m'en aller. Ouais, non, jamais je vais quitter ni déménager. J'ai l'intention de mourir ici. Même j'avais un de mes amis des fois, puis je disais, je suis né dans l'hôpital là-bas, j'ai été baptisé dans la cathédrale là, je vis là. Mais il reste que c'est pas vrai, j'ai pas été baptisé dans cette ville-ci, j'ai été baptisé dans un petit village à côté. L'entourage est important pour se poser. Ben moi, ma famille, c'est important. C'est très important. Puis c'est une famille qui se tient. Puis j'ai une bonne famille pareil, même si des fois. Mais là, ils sont vieillissants, puis c'est les plus jeunes qui sont partis. Mais mes oncles, mes tantes sont. Ben, mes oncles. J'ai mes oncles encore. Mes tantes, bon, il y en a une qui est à Toronto, dans les tantes qui me restent. Et j'en ai une qui est ici, mais là, elle est rendue Alzheimer pas mal. La plus vieille, l'aînée de la famille, elle est rendue pas mal perdue. Mais il reste. J'ai ma tante de Toronto, je veux bien la voir cet été. Elle va sûrement venir me voir. Mais bon, en tout cas, mon conjoint et moi avons construit une maison tout en l'habitant. Et lors de la vente, aucun n'est. Ouais, mais vous savez, moi, je n'ai pas envie de me mettre à être contracteur. Pas contracteur, là, parce que c'est pas comme un contrat, mais là, je n'ai pas envie de. Partir de mon département, je n'y penserai plus. Je suis revenu à ma place, pas loin de la maison parentale. Oui. Ben d'ailleurs, la ville où je suis, souvent les jeunes qui sont partis finissent qu'ils reviennent. Ils finissent qu'ils reviennent. Nous avons acheté un chalet avec les profits et sommes en train de le rénover tout en l'habitant encore. Et lorsque nous allons le vendre, pas d'impôts encore une fois à payer. Oui, je le sais qu'il y en a qui font ça, puis c'est payant, puis. Mais moi, au prix qui sont les matériaux ici, puis les terrains, puis non, ça serait pas aussi rentable. Puis en plus, moi, je conduis pas. Puis j'ai de la misère avec. J'ai de la. Je suis manuel, pareil, je suis bon pour construire des choses. Mais je fais ça tellement à l'ancienne que c'est plus long. J'ai construit une galerie complète avec une aiguine. Tellement les voisins venaient me voir et disaient, veux-tu que je te prête ma cironde? Non. Non. J'avais une cironde, je m'en suis servi une fois pour faire des trous dans le plancher parce que j'avais pas un autre outil qui pouvait faire ça. Puis je voulais faire des trappes pour que la chaleur monte parce que tous les gens qui avaient eu la maison avant moi, ils avaient pas pensé à ça. Il y avait. Bon, du coup. L'austérité vient naturellement au fur et à mesure que des pans de psychologie foutent le camp. Ça, c'est vrai. C'est progressif. Je te comprends. Se sortir d'une ville qu'on aime, c'est un peu se déraciner, oui. Moi, puis j'ai habité d'autres villes. Puis j'en ai souffert. Vraiment, je m'ennuyais d'ici. J'ai déménagé souvent des Vosges Hollande et je suis revenu dans le nord, près de mon fils. Bon. Le retour aux sources, dans le sens que être soi-même une source. C'est comme ici, en ville, les gens, ils me connaissent, ils me tolèrent. J'ai tout le temps été. Bon, ils sont habitués de me voir. Puis, j'ai pas envie de m'intégrer ailleurs. Ça me tente pas. Je veux dire, les gens sont, ils me tolèrent comme je suis. Ils m'acceptent de même que je suis l'affaire bête qui marche vite. Puis, que j'ai pas le temps de jaser. Puis, ils m'acceptent de même. Puis, j'ai pas envie de retourner dans un milieu, puis de là, le monde, voyons, il est bien bête, puis qui essaye de comprendre. Voyons, qu'est-ce qu'il y a, lui? Je veux dire, il y a juste ici que je peux avoir tellement souvent été bête au bureau de poste pour des détails ridicules que finalement, mes colis me sont tout le temps livrés chez moi. J'aurais pas ça dans une autre ville. C'est long, se refaire une réputation dans une ville pour être bien, puis que le monde... Hein? Mais ça, bon, je sais pas. Je lavais mon linge à la main. Toute mon enfance au lavoir. Ah oh, oui. Hey. Ça, là, ça existe pas dans mon coin. J'ai pas eu le temps de vous lire, Louis. Ben, il y a pas ça dans mon coin, il y a pas ça. Dans le sens que, ben... Mais il y a eu des... moi, j'ai des souvenirs d'enfance, les vieilles machines, là, avec les torteurs. Comment vous appelez ça, vous autres, en Europe? Les essoreuses. Nous autres, c'était des tordeurs. On appelle ça les rouleaux de caoutchouc, là. Puis c'était dans la grange. La machine à laver était dans la grange. C'était une sorte de baril de bois. De gros baril de bois avec une espèce de c'était électrique, là. Il y avait une espèce de malaxeur dedans. Puis il y avait un tordeur électrique après, que c'était deux rouleaux de caoutchouc. Puis c'est quand même spécial que j'aie vécu ça. Parce que c'est tellement anachronique, c'est tellement un autre monde. Mais je vais tout le temps me rappeler de ça. Parce que c'était des belles maisons, c'était des belles vies. Je vais tout le temps me rappeler les chats de grange. C'est quoi des chats de grange? C'est quoi l'odeur du foin et ces affaires-là? C'est les vieilles maisons qui puent la soupe aux choux. C'est drôle à dire, hein, mais c'est les plus belles affaires que j'ai vues étant enfant. J'ai de la chance d'avoir les voisins. Une lessiveuse avec une manivelle en bois, pas les vieilles machines à levier. Ça, j'ai pas connu ça, par contre. C'est un petit peu trop vieux. Se faire une réputation d'air bête. Non, mais je parle, les gens me tolèrent comme je suis. Puis ils me disent bonjour, puis ils m'aiment pareil. C'est pas que j'ai une réputation d'air bête tant que ça, mais le monde me connaît. Le monde me connaît. Puis j'ai pas envie de, je veux dire, puis ben c'est ça. Je veux dire, c'est comme des fois, là, le monsieur où je vais acheter mes bas quand je m'en achète aux 4-5 ans. Je veux dire, j'aime ça jaser avec. J'aime ça jaser avec les gens. Je veux dire, le gardien de sécurité du centre commercial, c'est un ami. Puis chaque fois que je passe, puis je parle 2 minutes avec. Puis l'autre fois que je passe, puis il y avait mon oncle qui était là à tabler. Puis je suis allé manger avec. Puis j'aurais pas ça ailleurs. J'aurais pas ça ailleurs. Donc, bonjour Jean. Pourquoi, tu sais, pourquoi aller ailleurs? Pourquoi aller ailleurs? Il y a quand même du monde que je connais depuis tellement longtemps. Le problème, c'est tous les jeunes qui sont partis. Moi, c'est ça qui me fatigue. Tous mes amis sont partis. Les gens de ma génération que je connaissais le mieux, soit ils sont décédés, soit ils sont partis. Ça me... Mais il y en a qui sont revenus. Il y en a, mais c'est des paquets de troubles, des fois. Ben, je dis ça de même. Je veux pas qu'il y en a qui me reconnaissent, qui sont visés, mais l'affaire, c'est que... Mais toute ma vie est ici. Des fois, il me revient... juste passer dans une ruelle, puis il me revient plein d'affaires. Faut pas, j'y pense. Je deviens émotif. C'est ça ma vie à moi. C'est ça. Hein? Comment je pourrais vivre ailleurs? Comment je pourrais. Je veux pas. Je veux mourir ici. Parce que c'est ici ma place. Puis ça me tient à cœur. J'aime la ville. J'aime la ville. Ça me tient à cœur. J'aime la communauté. J'aime les gens. Puis même si je suis peut-être pas aimé tant que ça, je m'en fous. Mais je le sais que c'est pas vrai dans le fond. Tu sais, je fais partie de la ville, dans le fond, un peu. Je fais partie des affaires qu'on voit passer. C'est comme les. C'est ça. Oui, ça me tient à cœur. C'est vraiment une affaire de cœur. Bien plus que de tête. Écoutez ma tête, c'est sûr que je serais parti. Mais ce que devient la région, ce que devient la ville, ce que devient la communauté, c'est important pour moi. Je peux pas faire autrement, je suis pas capable. Ma propriétaire, c'est la mère d'une fille avec qui je suis allé à l'école. Je la connais, ça fait au-dessus de 30 ans. Cette madame-là, le monsieur qui a le bloc l'autre bord de la rue, je le connais, je veux dire, c'est lui qui avait une compagnie de déménagement, c'est tout le temps lui que j'ai pris, puis même le monde que j'aime pas, je suis attaché. Même certaines personnes de la ville que je considère comme des pourris, je les aime pareil. Tu sais, c'est mes meilleurs. J'aime ça les croiser, puis qu'il y ait du fret. J'aime ça. Tu sais, comment expliquer ça? L'attachement qu'on peut avoir à une communauté, d'où on vient. Je suis quelqu'un de régional. Je suis quelqu'un de régional. Je suis quelqu'un d'une région. Puis je suis quelqu'un qui a une mentalité de cette région-là. Puis qui est quelque part qui est dépositaire de ça. À mes yeux, je fais partie de l'histoire de la ville. Ça fait partie de l'histoire de la ville. Puis, c'est ça. Là, parlez-moi d'autre chose. Comme quand j'apprends qu'un tel il est mort ou ça me fait de quoi? Ça me fait de quoi? Dernièrement, Sonia m'a appris que j'y pense. C'est sûr, j'y pense. Est-ce que l'immigration massive va commencer dans votre coin? Ouais, mais c'est passager, c'est des gens de passage. Ça change rien. Hein? On est là à notre place, c'est ça. Dans des vidéos d'archives, tu dis souvent que le monde matériel ici est le plus important. Peux-tu élaborer pour l'après? Ben, comment je pourrais dire ça? Justement, parce que c'est ici que ça se passe, que justement, l'après-vie, j'y pense pas. Que je me questionne pas trop sur ça. Parce que c'est dans la matière qu'on fait nos preuves. C'est dans la matière qu'on est mis à l'épreuve. C'est ici que, je veux dire, c'est notre vie là maintenant. C'est pour ça que j'ai de la misère avec les gens qui partent dans des délires. J'ai été la réincarnation d'ici, puis de ça, puis des affaires. Non, même, t'es là maintenant. Essaye d'être toi là, là. C'est possible d'avoir. C'est ça, l'incarnation. C'est l'incarnation qui est importante. Du là maintenant. Parce qu'on devient le véhicule même de la mémoire. C'est le véhicule qui est important, pas la mémoire. La mémoire a une certaine importance, c'est elle qui, on peut dire, qui revient et qui se réincarne, mais même là, je tombe pas dans les affaires comme la métempsychose, ces affaires-là, mais il reste que c'est ça qui est important. Le monde, là, qui se pète des cartoons qui ont été ci puis qui ont été ça dans d'autres vies, c'est parce qu'ils n'ont pas d'identité puis ils sont pas tous là, quelque part. C'est comme s'ils sont pas totalement incarnés. C'est du monde, ils font des gaffes, ils sont pas vite vite. Je veux dire même du monde avec des hauts QI, des grosses instructions. Ils sont tellement pas tous là que ils font des gaffes niaiseuses, ils sont maladroits, ils sont comme pas incarnés totalement. Le monde oublie le principal, c'est ça. Le véhicule du sport du corps physique, je parle de tout. Je parle de ce qui est, tout ce qui est là, là. Ça, c'est autant la personnalité, c'est autant. C'est tout, pas juste le corps physique. Tout ce qui est rattaché ensemble. Bonjour, Kraken. Ça existe, ça, des gentils Kraken? Ça me fait penser à. En tout cas, les affaires qu'il y avait, là. Par rapport à. Là, on nous a parlé de ça, là, que ça. En tout cas, le Kraken. La première fois que j'ai lu là-dessus le Kraken, c'est dans des vieux livres des années 60 qui parlaient des monstres marins dans les contes des marins scandinaves. Être centrique, c'est s'incarner de la meilleure façon. Oui, ben c'est être totalement incarné. Être tout là. Être entier. Être entier. Puis il n'y a pas de fragmentation à avoir. Tout est aligné, puis ça passe d'une shot. Avoir la lumière à tous les étages en même temps. Tout le temps. Ça sert à quoi de se promener, là, puis de zigonner, puis là, la lumière est fermée, là, puis là, l'allume ailleurs, puis là, il y en a, c'est le même. Ben, t'es intégré, ouais. Ben, ça vient à être intégré. Être intégral. C'est quoi de conscience intégrale? Intégrative. Dans le fond, au-delà de tous ces mots niaiseux, là. Ces termes niaiseux, là. J'ai toujours été fasciné par les créatures mythiques. Grandeur surdimensionnée, moi, des affaires. Un peu comme Lovecraft, là, pis ses grosses bébites. Graal. Moi, ben, c'est nous autres, hein, le Graal. Il y en a, ils vont chercher le Graal toute leur vie. Ils comprennent pas que c'est eux autres. C'est vous autres le réceptacle. C'est le réceptacle. C'est la qualité du réceptacle qui fait la qualité de la réception. Hein? Sinon, si vous faites des grandes réceptions avec des assiettes de carton, vous allez voir que bon. Ah, j'ai pas eu le temps de vous lire, Ariane. Mais il reste que. Bon, en tout cas. C'est toutes des choses. C'est pas dur à comprendre. C'est pas des affaires difficiles à comprendre. C'est même, il n'y a rien à comprendre, il faut prendre. Il faut prendre. C'est apprendre ou à laisser. Puis si vous le laissez, vous vous laissez. Dans le sens, comme les histoires de quête de Graal, moi, ça me fait bien rire. Erreur de frappe, ok. Ça me fait bien rire, les histoires de. Je veux dire, c'est vous autres le Graal. C'est vous autres le réceptacle. Il cherche partout. Il y en a, ils vont. Tu sais, c'est ça l'histoire de la quête. De la quête. La personne, elle cherche elle-même, puis elle ne sait pas. Tout était là depuis le début. Tout était là depuis le début. C'est comme la vieille histoire de dire, oh, on va cacher la lumière. Et dire, si on la met dans le fond de l'océan, l'être humain va finir par y aller. Si on la met sur la Lune, l'être humain va finir par y aller. On va la cacher en lui. Ça va y prendre des millénaires à la trouver. Ça revient un peu à ça, là. On cherche à l'extérieur, oui. Pourtant, tout est là. Tout est. Puis même, on cherche des secrets, on cherche des nouveautés, on a tout, on a déjà tout. On est dépositaire de la culture occidentale, notre culture. Hein? On cherche du vocabulaire ésotérique, alors que tout est simple au fond, c'est ça. Ça sert à rien d'avoir. Si on peut accumuler un vaste vocabulaire, c'est justement pour le défaire. Puis juste quand vous faites face justement à des intellectuels très très sophistiqués, il peut vous écrire des textes de 20 pages à plus finir, puis vous pouvez y défaire en 5-6 lignes au complet. Puis il va être perplexe, puis il comprendra pas. Il va être bloqué des jours de temps. Il va être plus capable de réfléchir, complètement pogné dans ses affaires. Ah, puis qu'on se rend dit, ben oui, dans le fond, que c'est vrai ce qu'il dit. Comment ça que. Là, ils se rendent compte, toutes leurs thèses, toutes leurs affaires, ça tient à quoi? Ça me fait penser à des mondes, c'est des grands psychiatres, des grands psychologues, puis ils ont des relations de merde avec leurs enfants, puis leurs enfants sont malades psychologiquement. Pourquoi vous pensez? C'est les pires. C'est pareil pour le reste. J'ai compris que la lumière était davantage à tous les étages quand je suis devenu calme, anciennement paquet de nerfs, et que je fais moins de gaffe physiquement. Moins, ben, c'est d'être tout là, d'avoir de la présence, ce que j'appelais avoir de la présence. Un conte chinois où un vieux paysan n'a que des problèmes et les gens le plaignent, mais lui répond, ce n'est qu'un passage car je ne vois pas l'ensemble. Moi, mais là, ça ressemble des affaires de taoïstes, faites pour justement fucker l'intellect un peu. Parce que les gens le plaignent, mais lui répond, ce n'est qu'un passage. Ben, des fois, quand les gens vous plaignent, faut se poser des questions pareilles. Hein? Désamorcer l'intellect. Ouais, mais on en a besoin aussi. Je veux dire, on en a besoin aussi. Si j'avais pas connu ce qu'est l'intellect, j'aurais plus de difficultés avec. Ben, celui des autres, je parle. Mais parce que je sais c'est quoi, réfléchir puis se casser la tête, je m'en casse plus. Puis je réfléchis, je perds plus de l'énergie ou mon temps à réfléchir trop. J'observe, puis à un moment donné, je vois, c'est tout. Puis je règle les affaires à mesure. Puis je me casse pas la tête. J'ai assez donné de ce côté-là. À un moment donné, ça va faire. Il y a des choses qu'on peut réfléchir qui se règlent en réfléchissant, mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se règle. Ça vient d'un coup. Quand on voit la résolution d'un problème, d'habitude, ça apparaît d'un coup. L'intellect est un outil mal dégrossi, ouais. Ben, c'est surtout que c'est lié à l'accumulation puis à une mécanique. Donc, on s'enfarge. C'est ça, s'enfarger dans les fleurs du tapis. Famille d'intellect, j'ai déconstruit. Ouais, mais l'affaire, c'est pas de déconstruire l'autre, là. C'est de déconstruire par rapport à quand que ça va être territorialement venir vous dominer. Moi, c'est là que je déconstruis à mesure ce qu'il essaie de. Mais là, pas de déconstruire l'autre, le but, c'est pas de démolir l'autre, là. Les gens qui sont là-dedans, des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre chose. Si vous leur enlevez l'intellect, ils vont paniquer. Ils vont paniquer parce qu'ils n'arriveront plus à gérer l'information. Pour moi, oui. Parce que la panique, c'est ça, c'est quand que la panique, c'est quand il y a trop de choses à gérer, il y a trop d'informations, le monde panique. C'est comme il y a des gens qui sont en souffrance, ça sert à rien des fois de les aider, de vouloir les soulager parce qu'ils n'ont rien d'autre. Si vous leur enlevez leur souffrance, ils paniquent. Si vous leur enlevez des raisons de s'en faire, d'avoir de la peine, puis vous leur expliquez que ça n'a pas de sens, ils paniquent. Puis c'est pas long que le naturel leur vient vite au galop, puis retombe dedans. Puis, j'ai hâte de revoir mes chaises, ceux-là, je les aime. J'ai hâte d'avoir mes chaises qui n'ont pas de coussin, qui sont dures, je suis mieux assis. Gérer l'information sans dominer les autres, ça dépend. Des fois, il faut être dominateur, on n'a pas le choix. Des fois, il faut être territorial, on n'a pas le choix, c'est se faire respecter, rendu là. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Quelqu'un de dominateur vaut mieux être dominateur avec, dans le sens qu'il comprendra rien d'autre. Il y a certains types de personnes qui comprennent rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire. Comme ça arrive. Il y en a des comme ça. Le respect, moins. Mais se faire respecter, c'est pas nécessairement tout le temps respecter ce qui est irrespectable. Il y a des gens qui sont pas respectables, ça existe. Comme il y en a un, là. Il y en a un que je connais, là, qui me doit de l'argent d'ailleurs. Lui, c'est pas respectable, ça, là. Je considère, moi, je ne vais jamais forcer pour qu'il me remette ce qu'il me doit, mais il n'y aura jamais mon respect. Quand je le croise, là, il sent. Je pose vite, puis il y a toujours des exceptions, c'est ça. Ils viennent confirmer la règle. Ils viennent confirmer la règle. Du monde qui sont pas respectables, ça existe. Des gens sans scrupules, vraiment sans scrupules. Ça existe, il y en a. C'est pour ça, moi, à un moment donné, c'est une affaire de le monde là, tu me respectes pas. Non, en effet. Désolé. Mais c'est ton problème à toi, pas le mien. Il y en a que c'est ça, là. Je vais pas me mettre à respecter du monde qui sont pas respectables. Parce que ça serait manquer de respect à moi-même. De faire ça, d'être comme ça. Donc, La misère avec mon éclairage. Mais ça, c'est affirmatif et souverain. Bon, un souverain, ça dépend de quoi vous voulez parler par souverain. Un souverain, c'est pas, on n'est pas des souverains, là. Je veux dire, on est soumis à un système circonstanciellement, puis jusqu'à un certain point, on n'a pas le choix de collaborer. Ça dépend de quoi vous parlez. Puis là, je parle pas collaborer comme des petits gestapistes, là, c'est pas de ça que je parle. Quand tu parles, moi, peut-être. Ça dépend. Des fois, ça arrive, je perds mes moyens, puis je deviens, ça devient un manque de respect envers moi-même. Moi, un souverain, parce que pour moi, le terme, il est, mettons, qu'il va être digne. Avoir une certaine dignité. Tu sais, de là être. C'est quoi être souverain? C'est être souverain, ça veut dire être maître chez soi, mais en société, on c'est pas hiérarchisé comme ça. Donc, bon, nous autres au Canada, il y en a un souverain. On n'a pas le choix de faire avec. Il y a une conquête, bon, conscient à moi. Moi, déjà là. Mais t'sais, une conscience de soi-même, là, c'est pas long qu'on se perd de vue si ça devient du réflectif. Si l'ego se pacifie, puis ça devient comme un écran pour des projections, puis qu'on devient... Parce que regardez, les gens narcissiques, ils se respectent pas. Au fond, c'est une compensation. Donc, ça dépend de quoi on parle. C'est comme, avec les années, je commence à accepter plus... Je commence à accepter plus l'autorité, même quand je l'aime pas. Pour des raisons pratiques puis techniques. Je suis moins rebelle qu'avant. Puis ça, c'est de la sagesse qui rentre, je pense. C'est de la sagesse qui rentre. Accepter les faits, mais pas les événements, car nous ne sommes pas ces événements. Ouais, pas s'identifier, c'est autre chose, là. Nous vivons dans des concepts illusoires, suffit seulement d'être. Oh, ça suffit pas juste d'être. Dans le sens que, regardez Moreau, André Moreau, il suffit de se laisser être. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je voudrais pas être à sa place. Vraiment pas. C'est ça aussi, être souverain, moi. OK, moi, dans ce sens-là. Parce que, si c'est une philosophie de l'auto, comment je pourrais dire ça? Comme Moreau, à mes yeux, il y a une philosophie de l'auto-sabotage, puis il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte. Pourtant, c'est ça, là. Il est pris dans un loyer depuis que je vivrais pas là, je serais pas capable. Puis Moreau, Moreau au ciel. Bon, je suis plus Moreau dans le sens de... En plus, il est d'origine belge. Je parle son père, d'origine belge, dans le fond, André Moreau. Sa mère est canadienne française, mais il reste que il y a quelque chose de ça chez lui, que je l'ai senti. Je veux dire, quand je suis allé le voir, je l'ai vu en personne, puis en plus, j'avais une douleur au cou que j'avais pris à Moreau, moi. Puis j'avais pris tellement de Tylenol puis d'aspirine que j'en avais trop pris. Puis j'avais un scellement dans les oreilles. J'avais un assez... Ça a été une soirée étrange. Très, très étrange, très, très intense. J'allais vraiment pas bien. Il y a personne qui s'en est rendu compte, là. Mais j'étais dans un état, j'ai des raideurs dans le cou puis de... J'avais tellement pris de Tylenol puis d'aspirine dans la journée que là, j'en avais trop pris. Puis j'avais un scellement dans les oreilles. Puis j'essayais de l'écouter. Puis, aïe, aïe. Ben, ouais, je pense que j'en avais trop pris. J'avais dans les tympans. Ça a été une soirée vraiment bizarre. C'était une période tellement étrange, ce séjour-là. Je logeais sur le plateau Mont-Royal dans l'appartement de quelqu'un d'assez connu dans l'underground que lui, il sait pas que j'ai séjourné chez lui. Puis, dans cette journée-là, j'ai rencontré Monsieur D en personne. J'avais tellement mal dans le cou, j'ai dit, excuse-moi, mais faut Faut que j'aille à la pharmacie m'acheter quelque chose, ça n'a pas de bon sens, là. Puis le soir même, on s'est ramassé chez Moreau, pas avec Monsieur D, mais il voulait pas venir. Il voulait pas y aller. Mais il risque. Quel été étrange. Quel été étrange. C'est surréaliste. Vraiment. C'est surréaliste que j'y repasse aujourd'hui, puis ça me fait l'effet comme une fiction. Comme un vieux film. De fiction complètement farfelue, tellement c'était surréaliste. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je me rappelle de l'ambiance des appartements, l'ambiance de l'appartement de la personne que je vous dis que où j'ai séjourné, l'ambiance de l'appartement à Moreau. Le Moreau, là, le plancher, c'est du bois franc, c'est de la marqueterie, parce que c'est assez vieux, son immeuble. Le plancher est tellement magané. On voit qu'il y a passé des milliers puis des milliers de personnes dans cet appartement-là. C'est incroyable. C'est que, on sent toutes les énergies d'un, c'est quelqu'un qui est ben, ben sensible, là. On sent, c'est vraiment spécial. Puis ces petits, j'étais surpris de comment c'est petit. C'est bien trop petit pour donner des conférences. L'ambiance chez Moreau, ben, c'est dur à décrire, hein, mais on sent l'énergie de la place. Puis c'est pas rien que des affaires propres. C'était de la, j'avais l'impression d'être dans un seau de... En tout cas, je vais rester gentil, là. Mais juste Moreau lui-même, il fallait que je le voyais en personne, le phénomène. C'est un phénomène pareil. Puis sa conjointe aussi. Elle se laisse pas marcher sur ses pieds. Juste le chien. Je vais me rappeler du chien. Là, je pense, Caprice, il est mort, hein? Fait que je pense que c'était Charlot. Mais lui, il a tout le temps des bichons frisés. Mais, aïe, aïe. Glauque, oui. Oui, vous mettez le doigt dessus. Il y a quelque chose de malsain. J'ai senti des affaires. Il y avait quelque chose de malsain. Même les gens qui étaient là. J'ai trouvé. Puis je voulais pas fumer à l'intérieur, mais les gens qui étaient là, ils fumaient comme des cheminées. J'ai pas remarqué qu'il y avait un balcon, fait que je suis pas allé. Là, on m'a offert un café, j'ai pas osé. Parce qu'il faut tout aller. Bon, en tout cas, tu sais, je me sentais pas. Ça a été spécial. C'est long, lui, hein, une conférence. Elle doit être en ligne, la conférence qui est faite, que j'étais là, c'est sûr qu'elle est en ligne. Mais c'est des expériences les plus étranges de ma vie. Puis j'ai vécu beaucoup de choses étranges. Puis ça, c'était spécial. J'avais l'impression d'être dans un film d'André Forcier. Ce n'est n'importe quoi. C'est une farce. J'ai l'impression de l'avoir vécu. Bon. Toutes ces expériences ont façonné ce que vous êtes maintenant. Vous avez beaucoup vécu de phénomènes étranges. Ouais. Mais lui, Tim Moreau, c'est un phénomène étrange. Il est spécial là, quand il vous parle, puis vous regarde dans les yeux. Là, puis je le voyais qu'il m'observait. Il essayait de me checker les iris. Il me regardait les ongles, les pouces. Il a bien dû voir. En tout cas, je l'ai payé, je l'ai payé. Ça me fait penser à des appartements que j'ai connus à Paris, des ambiances troublantes. Moi, ouais, une officine très étrange, en effet. Ben, c'est dur à décrire parce que son appartement, moi, je l'avais vu dans des reportages à la télévision dans la fin des années 80, imaginez, là. Puis aussi, il y a eu un temps où la mère de mon père a trippé bien gros sur Moreau. Puis tout d'un coup, il y avait, je me rappelle, il y a un été, il y avait une ambiance spéciale chez elle. Puis quand je suis allé chez Moreau, ça m'a ramené ça. Puis là, j'ai comme reconnu l'empreinte. L'empreinte, c'est difficile à expliquer, mais c'est spécial. L'esprit est proche de la folie. Oh, lui, il est surtout domaine paradoxal un peu. Ben, c'est surtout le fait que je séjournais dans la place d'un autre spécial, dans ses énergies à lui. Puis il y avait une porte qui servait de table, une vieille porte d'entrée, vous savez, les vieilles portes d'entrée, mais avec une vitre, La vitre de la porte, c'était une lune. Puis c'était monté sur des espèces de tréteaux pour faire une tape. Puis, en tout cas, je donnerai pas de détails sur ce qu'il y avait dans la table, d'encastré dans la table, là. Mais j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. Là, tout le temps que j'étais là, j'ai fait du ménage dans sa cuisine parce que c'était sale. C'était dégueulasse, ben franchement, là, j'ai lavé son poêle, j'ai lavé ses tiroirs, j'ai lavé ses racks à ustensiles, c'était pas propre. J'ai son garde-manger, c'est pour ça que je dirais pas c'est qui, là. Mais c'est quelqu'un de connu dans l'underground. Tu sais, Moreau, ça me tu au Moreau, j'ai passé la journée chez eux, j'étais allé à une conférence, mais l'autre, aïe, aïe, aïe, aïe, puis il y avait de l'huile de... C'était quoi, donc? Il y avait une huile chère que je me suis servie tout le temps que j'étais là pour me faire à manger. Puis j'étais tellement gêné d'y avoir tout pris pas mal que j'en ai racheté une neuve, puis j'ai mis dans son garde-manger. J'ai racheté une bouteille d'huile neuve. Mais il reste que... Je vais tout le temps m'en rappeler. Je vais tout le temps me souvenir de ça. C'est vraiment fou. Puis l'ambiance est aussi de Montréal. Cette maudite ambiance, cette énergie-là spéciale. Puis c'était sur le plateau Mont-Royal, qui est dans le fond l'ancien quartier de pauvres de le Faubourg Amiens, dans le fond. Puis c'est la première fois aussi que j'ai vu un faucon manger un... À un moment donné, je vois un oiseau dans la cour arrière. Vous savez comment c'est fait à certaines places. Puis je vois un oiseau qui est en train d'emplumer un autre, que les plumes revolent au vent. Puis je regarde ça, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je regarde comme il faut, c'est un faucon pèlerin. J'en avais jamais vu. Puis là, j'étais là, c'est bien petit. J'étais tellement surpris de comment c'est tout petit. C'est un petit oiseau. J'ai vu des choses-là que j'avais jamais vues. J'ai vu, à un moment donné, j'ai croisé au coin d'une rue un gars, il avait une quincaillerie dans le visage. Il avait tellement de métal dans la face que je me demande comment la face s'y tenait. Pour moi, ça tenait par la quincaillerie. Pour moi, c'était jusque... J'ignorais jusqu'à un certain moment qu'André Moreau avait passé à la télé avec Julie Snyder, il l'avait complètement... Elle l'avait complètement déstabilisé. On n'a pas vu la même chose. Ah, moi, je considère qu'ils ont tendu un piège, puis il est tombé dedans. Puis ça a été la fin de sa... ça a été la fin de la télé pour lui. Il est barré, là, de la télévision. Parce que moi, je l'avais vu à plein d'affaires. Je veux dire, il passait à Adlib, il avait passé à l'émission, là, avec Pierre Marcotte, puis... L'autre, là, Blanchard, puis il y avait passé. Moi, je l'avais vu à, vous vous souvenez, à TQS dans le temps, le caméra 89, caméra 87, il avait passé à ça. Je l'avais vu en fin de cette émission-là. Il disait, même je suis retrouvable sur YouTube, il dit, moi, je ne suis pas un philosophe dans sa bulle, je suis un philosophe dans les bulles, puis il est dans son bain. Puis de se faire photographier ou filmer dans son bain, c'est d'habitude, c'est un signe de reconnaissance de certains types d'initiés. Parce que justement, ben, il y a quelque chose d'une impudeur à faire ça. Le premièrement, c'est inapproprié. Puis eux autres, ben, ils se démarquent parce qu'il est inapproprié, parce qu'ils considèrent ils combattent l'infâme société judéo-chrétienne. Ouais. Mérite d'être nayé dans son bain. Tant qu'à moi, là. En tout cas, si jamais un jour sa propre clique, il ferait trop de vagues, puis tout, mais là, il est rendu inoffensif. Ils n'ont pas à s'en débarrasser. Il est inoffensif. Tu sais, il est plus pathétique qu'autre chose, là. Mais tu sais, c'est pas un méchant bonhomme, là. Mais je pense qu'il est dans l'erreur, puis pas à peu près. Puis qu'il va avoir passé sa vie dans l'erreur, puis qu'il y a une sorte de persistance dans l'erreur, puis c'est correct, dans le fond. Parce que grâce à lui, il y a des choses qui m'ont sorti de l'erreur à le voir aller. Que je vois que c'est incompatible, là, avec... Moreau, il se faisait de la pub, moi. Mais l'affaire, là, que ce qui est arrivé avec Snyder, c'était le contraire, hein. Oh. Ça a été fini. Il est tombé un petit peu dans. Il était quand même assez rentable, Moreau. Il faisait son argent. Puis, mais là, à partir de là, whoop. Puis quand on est un personnage public, puis que c'est avec des livres, puis des conférences qu'on fait son argent, c'est pas le genre de publicité qu'on cherche. Hein. Les faucons pèlerins prennent de l'altitude et piquent du nez la tête première en faisant sur leur cible pour les assommer. Ouais, mais je pensais que c'était plus gros que c'était. Ouais, avec son égocentrisme. Ben, Moreau, ça va au-delà de ça. On pourrait parler d'un orgueil luciférien. Il est luciférien, ce monsieur-là. Mais il s'en rend pas compte jusqu'à un certain point. Il en est pathétique puis il devient une victime. Il est sa propre victime. Parce que je voudrais pas vivre comme il vit. Je serais pas capable. Je comprends pas. Il a besoin d'avoir tout le temps du monde autour de lui, sinon il pourra plus fonctionner. Dans le sens que c'est comme moi, c'est quand il me dit est-ce que vous êtes un étudiant? J'ai pas réalisé pourquoi il me demandait ça. Je comprenais pas pantoute. Mais j'ai vu que c'était important pour lui. Là, vous n'êtes pas un étudiant? Je dis, non. Il dit, OK, ça va être 20 $. Il comptait, il tenait aux 20 $. Il n'avait besoin. On le sent, hein? Oh, Seigneur. Il a besoin de se faire. Moreau a-t-il déjà rencontré BDM? Il le connaît. Il sait c'est qui, puis il sait c'est quoi, puis il connaît. Je sais s'ils se sont rencontrés, ça, je le sais pas. Mais c'est totalement des cas différents. C'est une autre planète, hein? Il a besoin de se faire valoir. Ben, c'est surtout qu'il a besoin de, comme tout le monde, de vivre. Puis lui, ben, c'est une sorte de. C'est un philosophe presque au sens classique du terme, dans le sens que c'est ses disciples qui l'entretiennent. Fait que c'est ça. Vu récemment un faucon pèlerin, empaillé, très surpris de voir ses petits. Oui, c'est tout, tout petit. Parce que je le voyais plumer un pigeon, puis il était pas plus gros, ben. C'est ça, moi, qui me surprenait. Parce que je voyais deux oiseaux, un qui tenait l'autre, puis je voyais des plumes qui volaient au vent. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas ce que je voyais. Là, après, ça, là, maintenant, j'ai vu que c'était un faucon qui plumait une proie. Ben voyons, j'avais jamais vu de faucon. En tout cas, hein? Moreau avait l'air d'avoir bien du fun dans les clubs. Oh, je sais pas. Je suis pas sûr, ça, par exemple. Il y a des rumeurs par rapport à lui, par rapport à des affaires de même, mais c'est les gens autour de lui, dans le fond. Puis aussi, le fait que c'est un provocateur, il est tout le temps en train de provoquer, fait qu'il dit des affaires qu'il faut pas le croire, là. Il en met pas mal. Il en met pas mal. Il aurait dû habiter l'île de Man. Moi, ben. Je sais pas si ça aurait fait. Je pense pas que ça serait intégré. Je pense même qu'il l'aurait peut-être mis dehors. C'est drôle à dire, hein? Mais eux autres, ils ont leurs affaires à eux autres, hein? C'est même si ça se ressemble. Les oiseaux font du cannibalisme. Ben, c'est une autre race d'oiseaux. Je veux dire, un faucon pèlerin, il va pas chasser un autre faucon pèlerin. Enfin, je pense pas, là. Même, prenez, en tout cas, non, c'est un oiseau de proie, ça mange d'autres oiseaux, mais de d'autres espèces. Mais prenez les corneilles, ils mangent les œufs des autres oiseaux. C'est pour ça d'ailleurs que les corneilles sont chassées par les vaches, ils se mettent en groupe pour leur faire la guerre. C'est là qu'on voit qu'une corneille, ça se défend pas, ben. C'est facile à chasser. S'il y a plus, un petit oiseau peut chasser une corneille. C'est pas un chasseur, une corneille, c'est un charognard. On dirait qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont grosses, sont plus grosses que les autres oiseaux. J'ai du monde qui arrive. Je dois y aller à bientôt. Bon, ben merci d'avoir été là. S'il y a quelqu'un d'autre qui va être modérateur, mais je l'ai fait moi-même, je pense, l'autre. Ah, j'ai pas le temps de vous lire, Louis. Bon, je vais aller me reprendre du café un peu. Libéraux. Ouais, comme Henri Loiseleur, les gens qui chassent, ils font de la fauconnerie, là. C'est des sports de riches, ça. C'est des sports de luxe. Ça coûte presque aussi cher que de faire du cheval. Mais bon. Je suis preneur s'il n'y a personne. Moi, ben, je date, il n'y a pas rien, là. C'est pas si pire. Mais c'est une heure que la plupart des trolls, ils dorment le samedi. Ou ils font d'autres choses. Donc, Non, à date, c'est correct. Je me suis jamais. Je vois que. Mais le fait est que. Quand j'y repense, ouais, c'était peut-être nécessaire que je le rencontre en personne. Pour mieux comprendre. Et puis là, je l'ai vu. Je veux dire, comme je vous dis, il est tellement entouré de monde tout le temps. Beaucoup, je parle, mais il reste que. Quand c'est fini, c'est fini, puis le monde part, puis tout. Mais même là, à un moment donné, la caméra pour filmer la conférence, elle marchait pas, puis c'est sa conjointe Jackie qui l'avait échappée par terre. Elle l'avait sur une maladresse. Puis à un moment donné, elle essayait de l'ajuster, puis elle a dit, j'ai de la misère avec, elle fonctionne pas bien. Puis Moreau, il a lancé comme un reproche, puis il y avait quelque chose d'une sorte de pic, là. C'était hargneux un peu. Il avait dit, ben c'est peut-être parce qu'elle a été lancée par terre. Puis tout de suite, elle y a répondu, elle a dit, ben là, je l'ai pas lancée par terre. Puis là, il a fermé sa gueule. J'ai trouvé ça bon. Ça, elle se tient debout. C'est le fun, ça. Il a répondu tout de suite devant tout le monde, puis il a fermé ses yeux. Ça, j'ai trouvé ça bon. Ça, je l'aimais. Vu un extrait de Moreau qui se vantait de son polyamour, et j'ai observé que les femmes ou ces femmes faisaient une drôle de tête, pas l'air con. Ben, moi, je vous le dis, là, son modèle de. C'est de la. Je veux dire, c'est pas. Le monde normal civilisé, c'est pas ça. Désolé, là, puis notre culture, c'est pas ça. Notre civilisation, c'est pas ça, puis c'est tout. Puis moi, leurs histoires de niaiserie, moi, pour moi, c'est des folies. C'est de la folie. C'est comme ceux qui parlent de les couples ouverts, puis regardez. Après, demandez-moi pas de vous regarder autrement que de haut, là, parce que des affaires de même, moi, je trouve ça. Ouais. J'ai bien de la misère avec ça. Puis, à mes yeux, c'est de la décadence. Ça, c'est de la décadence. Puis après, on se demande pourquoi les enfants sont perdus de même, puis ils n'ont pas de stabilité, ils n'ont pas de cadre rassurant, ils n'ont plus de famille. C'est sûr, avec des valeurs de chenoute comme ça. Hein? Bonjour Bertol, bonjour à tous. Je vous retrouve en différé. Ah, OK. Moreau me donne l'impression d'être l'inverse d'une personne suicidaire. Pourtant, moi, je considère que c'est une espèce d'auto-sabotage constant. Il y a une sorte de suicide quelque part parce que c'est comme s'il était dans la négation d'une partie du réel total. Comme quand il se met à chialer, il dit qu'il y a de la misère avec le Mont-Royal. Voyez-vous, parce que sur le Mont-Royal, il y a une croix et que blablabla. Ben oui, mais il a vécu toute sa vie à côté puis il a avoué tout le temps. Il doit donc, c'est le fun pour lui. C'est une souffrance pour lui de voir ça. Voyons, pourquoi tu. Accepte là, la croix. Voyez-vous, c'est un instrument de mise à mort. Regarde, là, elle est là en tant que symbole, justement, d'instrument d'avoir vaincu la mort. Pas capable de comprendre ça, pauvre épée. C'est comme. Il est venu des témoins de Jéhovah, l'autre, en plein proche de Pâques. Il vient des témoins de Jéhovah, il me donne un pamphlet. Ils vont faire une réunion pour commémorer la mort de Jésus. La mort, c'est ça qui commémore eux autres. La mort de Jésus. C'est pas que là, c'est pas supposé commémorer la résurrection, c'est quoi ça? La mort, commémorer la mort. Eux autres, tout est inversé. C'est comique-là. En tout cas. Un véritable occultiste dans le sens du mot. Moreau, je pense pas qu'il y ait des pratiques. On peut parler de la voix d'une voix de la main gauche, oui. Oh oui, carrément. Comme d'autres. Hein, que je pense aujourd'hui, il y en a un, là, il va publier des affaires sur le tantrisme. Ça en est un autre, c'est la voix de la main gauche. En plus, avec le nom de famille, on voit qu'il vient d'une lignée celte de druides. Il y a des origines irlandaises. La voile du sang, c'est fort. Hein. Les endroits où il y a des activités, conférences, ésotérisme, mais qui sont très chargés, même plus que le hall d'entrée de la banque où il passe du monde. Ouais. Ouais. Il se prend très au sérieux, ce monsieur Moreau. Le pire, c'est que oui et non. Oui et non. Mais il est tellement persuadé que le fait que il est tourné en ridicule, puis qu'il n'est pas populaire, puis qu'il a été éjecté de la sphère publique, il est tellement persuadé que cet échec total est la preuve de son futur succès dans le futur. Lui, il pense qu'il va. Le grand jovialiste, à un moment donné, il avait lu une affaire par rapport à Nostradamus qui parlait de le grand jovialiste, puis il s'est convaincu que ça parlait de lui, puis que ça prédisait sa venue. Puis, c'est de la folie, là. Moi, à mes yeux, c'est de la folie. Vraiment, là. Ça a aucun. C'est que dire de plus. Mais c'est correct, je veux dire, qu'il fasse ses affaires. J'ai rien contre lui, dans le fond. C'est pas un mauvais bonhomme. Dans le sens que, oui, c'était. Mais il reste que. Moi, comme je vous dis, je le trouve plus pathétique qu'autre chose, dans le sens que il me suscite une certaine pitié. Ça a l'air pas fin, là, je le sais, mais dans le sens que j'ai bien de la misère à taper dessus. J'ai l'impression, c'est comme il y a une sorte de maturité aussi. Il y a quelque chose d'une espèce d'enfant éternel. C'est peut-être la façon qu'il a trouvé de rester cette espèce d'obsession pour son immortalité, puis de se prétendre qu'il est Dieu. Puis ça fait pitié, là, ça fait dur. C'est de la folie. Moi, mais juste, moi, ma définition de la folie, c'est quand vous quittez la réalité. Là, c'est pas réel, là. Quand, tu sais, t'auras beau te prétendre Dieu tant que tu veux, moi. Hein? C'est quoi la voix de la main gauche, signe? Ben, c'est lié, entre autres, à la magie, sexuelle, pis ces affaires-là. Certaines pratiques. Comme le tantrisme, c'est lié à la voix de la main gauche, les affaires-là. Puis, ben, vous pouvez faire des recherches sur que, je veux dire, c'est des choses quand même assez connues en surface, même au niveau de la culture populaire. Puis, il y en a plusieurs voix de la main gauche. Puis, on peut, comme la magie du chaos, en est une autre. Mais il y en a eux autres, ils vont dire que c'est une voix médiane, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même si des fois c'est les chaotes, des acides. Des fois, comme les punks. Certains punks qui sont des chaotes, que s'il y a vraiment une pratique ascétique, une philosophie puis une spiritualité de gauche. Tout est lié, hein? Tout est lié. Parlez-en à Richard Glenn, c'est ça. Ça, c'est une voix de la main gauche. Puis tant qu'à moi, ben c'est ça. Ça amène à gauche. Mais dans le sens, ça amène dans le mur. Écoutons, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais, tu sais, je veux dire, quand il y a des gens qui sont sans scrupules, que pour avoir de la visibilité puis vendre leurs affaires, qui s'en vont se montrer avec ce monde-là, moi, ça vous devenez irrespectable, à mes yeux. Puis tôt ou tard, je finis que, tu sais, j'ai une certaine franchise. J'ai bien de la misère à pas dire ce que je pense, puis à parler selon mes principes, puis à un moment donné, tôt ou tard, ça sort. Je suis pas capable. Je suis pas capable, c'est tout. Puis, c'est ça. Même, j'ai de la misère à comprendre comment c'est possible. Comment est-ce que c'est possible que c'est encore dans la sphère publique, ce monde-là? Je comprends pas. On est un peuple de mous pis de mitaines, pis c'est vrai. Puis on a bien de la misère à se servir contre certaines affaires. On a bien de la misère à mettre notre pied à table au niveau de la justice collective réelle. Réel. On est un peuple de mous, qui accepte n'importe quoi. N'importe quoi. En ancien français, est une poule. Ouais, mais lui, ça s'écrit pas de même. En tout cas. Donc, très retardateur, les patentes de la main gauche. C'est plus que du retardateur, là. C'est comme, vous allez être plus qu'en retard si vous prenez le mauvais chemin. Si vous voyez ce que, carrément, là, je veux dire, ça bifurque, puis vous en allez, hein, c'est prendre le mauvais chemin, carrément. Carrément, là, vous allez être plus qu'en retard, vous vous rendrez pas. Ça va mal finir, ça va mal finir. Ah, mais, tu sais, puis aussi, c'est pas pour rien qu'ils tombent tous dans des délires. C'est délirant. Leur histoire, l'autre qui est allé en Floride parce qu'il s'en venait une pluie de météorites sur le Québec. De quoi tu parles? C'est n'importe quoi. L'affaire d'être rendu dans des projets de communes, de gugus immobiliers, c'est incroyable. Ils vont perdre l'argent de leur retraite dans des affaires que finalement, au bout de la ligne, ça n'aura pas de valeur, là, ces développements-là, je pense. C'est dommage, mais c'est parce que ça engendre le manque de discernement. C'est comme un cercle vicieux. Puis ça devient une sorte de persistance dans l'erreur, puis ça finit que ça peut pas bien finir. Ça n'a pas le choix, ça va vers la mort. À mes yeux, même si je vivrai probablement pas aussi vieux que lui, il reste que je le sais que je m'en vais pas vers la mort. Pas autant que ça. Mais je me doute bien, je vivrai peut-être pas aussi vieux que lui. Parce que, bon, ma génétique, les hommes dans ma famille meurent jeunes, relativement jeunes. Quoique, c'est embêtant. C'est embêtant, j'avoue, je le sais pas. Je le sais pas. Ça se peut que je vis vieux. J'ai l'impression, peut-être, c'est la colère qui va me garder vivant. Que c'est ça le feu qui m'alimente. Mais une de mes craintes, c'est les attaques cérébrales. Quand on est porté à faire des colères, Etty Green est morte comme ça. Elle s'astinait avec une femme de chambre pour 10 sous. Elle a eu une attaque cérébrale. Elle était tellement en colère, puis elle tenait tellement pour 10 sous. Elle en a fait un ACV, oui, un AVC ou un ACV, oui, carrément. Elle est devenue tellement. Je le sais ce que c'est, cet état-là. Puis, je suis une bébite de feu, moi aussi. D'ailleurs, on fête notre fête, moi puis Etty, on fête notre fête pas loin l'un de l'autre. De faire des colères au point d'en faire des ACV, c'est possible que ça m'arrive un jour quand je vais être âgé. Tellement que on devient fou. Je viens le cœur qui pompe, je viens enragé noir, l'adrénaline tellement forte que je deviens. C'est inexplicable qu'après je dorme comme un bébé. Parce que c'est comme hier, j'ai dormi comme si de rien n'était. Demandez-moi pas comment c'est possible, mais au moment où ça m'arrive, que je vis vraiment que je suis en colère, je le sais que ça se peut qu'il se passe tellement d'affaires dans le corps. C'est tellement violent. C'est tellement violent. Probablement, les glandes surrénales se mettent à produire, puis je change de couleur, tu sais, je me doute que Etty Green, les états quand elle était vraiment en colère, comment que ça devait être l'enfer, être face à elle, que ça devait. L'autre, la femme de chambre qui tenait son bout pour un 10 sous, là. Mon Dieu. Moi, j'aurais dit, OK, d'un autre côté, bon, ben, 10 sous dans ce temps-là, c'était pas mal. En tout cas, il reste peut-être que j'aurais. Tu sais, je me viens à bout d'avoir de l'empathie pour les deux. Mais il reste, imaginez la femme de chambre qui l'a vu avoir une attaque devant elle, comment qu'elle devait se sentir coupable pareil, par après. Là, après, il était dans un état qui a été à moitié paralysé, puis Louis XI aussi est mort comme ça. C'est les morts des êtres de feu. On fait des. À un moment donné, il y a tellement de sang, il y a tellement de pression que. Hein? Ma maman, 99 ans. Oups! Comment est-ce que c'est possible? Bon, j'en ai manqué pas mal. Hein? Qu'est-ce qu'on disait? Donnez votre chat à un refuge. J'en veux pas. Je veux être capable de prendre des nouvelles puis de voir qu'il va bien. Puis eux autres, ils coupent les ponts. On n'a plus le droit d'avoir de nouvelles. Donc, non. Non. L'émotivisme. En plus, j'ai dit, ah, ben, je vais le noyer dans le bain puis le jeter aux poubelles. Ils trouvent ça bien drôle. Ils savent que c'est des farces, là, que je ferai pas ça, mais. Hein? L'émotivité soumet contrairement aux émotions assumées. Moi. Non, c'était Minet à sa mère, pas de refuge. Moi, c'était le chat de ma mère, dans le fond, là. Puis, bon, ça continue, je vais le garder, c'est tout. Coudon, garde le chat. Ben oui, c'est parce que. En tout cas, je ne vais pas tout le temps être enragé de même, là. Hein? C'est en ça que j'ai tellement d'affaires sur le dos en même temps que j'ai vu que ceux de feu sont peut-être davantage capables à la longue de développer plus de volonté que ceux d'eau. Moi, moins peut-être. Sonia égale C, je sais pas. De refuge vaut mieux que le noyer dans le bain. Je ferais pas ça, voyons. Voyons donc. C'est pas moi, je serais pas capable. Je serais pas capable. Il y a certaines personnes, peut-être, qui seraient capables. Pas le chat, non. Non, non, je l'aime dans le fond. Là, il est couché dans mon lit. Là, cette nuit, quand je me suis couché, des fois, je me recroqueville parce qu'il se couche à mes pieds, puis je veux pas le déranger. Je me positionne d'une façon pour pas le déranger. Mais là, je me suis couché de mauvaise humeur, puis je m'étais étiré les jambes. J'avais dit, oh, toi, les jambes. Il a passé la nuit couché à côté de moi, au niveau de mon buste. Et il y avait. Bon, c'est ça. Mais il voit ce temps-ci, là. On dirait qu'il me surveille, il s'inquiète. Mais c'est pas, j'ai des affaires, ça arrête pas. Comme là, cette histoire de téléphone-là, il faut que je règle ça. J'ai pas le choix. Si j'ai pas le téléphone pour confirmer par des codes pour mes affaires, pour mes transactions, faut tout que je recommence, que je refaxe toutes mes pièces d'identité à Toronto. Ça finit plus, puis c'est d'une complexité, puis ça prend des jours. C'est compliqué. C'est tellement. C'est. Ils niaisent pas, hein, eux autres. C'est sérieux, hein. Donc, les chats sont censés être des gardiens psychiques. Ouais, ben, vous demanderez à Pierre Blanchette, c'est aussi censé être des familiers donnés par le démon en personne au monde qui font de la sorcellerie. Fait que lui, peut-être qu'il pense que c'est ça. En plus, hey, en plus, tu sais. Regardez. J'ai des bas rayés horizontales, c'est sûr que je suis maléfique, hein, Pierre Blanchette? Maudite gang de fous. Ça se peut-tu? Je viens tellement choqué. Mais des fois, on vient carrément qu'on se dit, ben, je vais faire exprès. Ils penseront ce qu'ils veulent. Ils penseront ce qu'ils veulent. Mais l'affaire, c'est que j'en voulais pas de chat. J'en voulais pas de chat. Puis, d'habitude, c'est moi qui décide, hein. C'est moi qui. J'ai tellement souvent fait concession pour les autres. Je me suis tellement forcé à vivre d'une certaine façon pour les autres que, tu sais, pour un chat, ça me tente pas, moi, de faire des concessions puis de vivre d'une certaine façon pour un chat. Puis, en plus, c'est écrit sur mon bail que j'ai pas le droit aux animaux. C'est écrit sur le bail. La propriétaire le sait, elle le tolère, mais il risque que j'ai pas le droit pareil. Un bail, c'est un contrat, là. Puis, bon, ben, je sais pas que je vais faire, je vais le garder, je pense. Tant que les bonnes sont pas jaunes avec des petits cafards dessus, non, ben, je porte pas de jaune, ben. Donc, l'affaire, c'est que il y a cette espèce de culture-là que les gens qui font de la sorcellerie portent des lignes. Ça, c'est vieux, ça, là, ces vieilles histoires-là. Mais encore aujourd'hui, c'est très présent dans la culture populaire. C'est-à-dire que ça va faire partie de. Comme Justin, moi. OK. Non, ça m'étonnerait. Moi, je porte quasiment rien que des bas bruns. Ou noirs. Ou bleu marin, marine. Ou gris. Mais non, ça m'étonnerait, Justin, c'est vraiment. On dirait qu'il achète ses bas dans les magasins de vêtements pour enfants. C'est vraiment horrible. Une affaire, je trouve pas super, c'est genre motif argile, là, genre écossais. Les bas à motif écossais, là, en losange. C'est pas super, ça. Moi, j'aille pas ça. Ben, ça fait Ketan Golf un peu, mais bon, moi, c'est des motifs que j'aime. J'ai tout le temps aimé ça, ces motifs-là. Je ne sais pas pourquoi. Je dois être quelqu'un de quétaine, hein? Je dois être de mauvais goût. Les bas ajustés sont traumatisants. Et comment on, surtout le gars qui aimait. Si, Paul. Là, il va aller vivre à Montréal, supposément. Moi, je trouve que c'est parfaitement ajusté, puis que c'est parfaitement logique, puis que c'est parfaitement normal. Tout est parfait. Justin Trudeau s'en va vivre à Montréal. Tout est en harmonie dans l'univers. Chaque chose à sa place. Hein? Dans le fond, là, quand on y pense, l'affaire, c'est que je me demande comment qu'il va faire pour vivre normalement, mais avec le cash qu'il a, il va pouvoir envoyer des employés de maison faire ses affaires. Dans le fond, là, ben oui, supposément qu'il s'en retourne vivre à Montréal. Là, il était à Rideau Hall. Il était-tu à, je pense que c'est ça. Non, c'était en rénovation. Puis était, non, c'est le 24 Sussex qui était en rénovation, puis il était à une autre résidence. Tu sais, il aurait pu faire rénover la maison officielle. Bon, en tout cas, il a préféré endetter pour d'autres choses. C'est drôle, hein? Moi, ça aurait été plus, on n'endette pas, puis on essaye de payer le déficit, mais chaque chose à sa place, hein? Dans le fond, là, quand on y pense, l'affaire, c'est que je me demande comment qu'il va faire pour vivre normalement, mais avec le cash qu'il a, il va pouvoir envoyer des employés de maison faire ses affaires. Dans le fond, là. Ben oui, supposément qu'il s'en retourne vivre à Montréal. Là, il était à Rideau Hall. Il était-tu à, je pense que c'est ça. Non, c'était en rénovation. Puis était, non, c'est le 24 Sussex qui était en rénovation. Puis il était à une autre résidence. Tu sais, il aurait pu faire rénover la maison officielle. Bon, en tout cas, il a préféré endetter pour d'autres choses. C'est drôle, hein? Moi, ça aurait été plus, on n'endette pas, puis on essaye de payer le déficit, mais on rénove pareil la maison officielle. Parce que ça appartient à qui? Ça appartient à la population, cette maison-là. Ça appartient aux Canadiens. Elle est pleine de rats. C'est rendu un trou. Bon samedi à tout le monde. Hey, bon matin. Mais moi, je t'avais d'arrêter. Il va falloir que je déjeune. C'est ça. Vous avez vu, j'ai un appel d'une de mes tantes, une conjointe de mon oncle. Je lui avais demandé pour prendre le chat, puis je me doutais qu'il ne le prendrait pas. Ils en ont quatre. Mais il était bien. Mon fils reste à Montréal. L'autre jour, il a bloqué la porte pour que le voleur à la pharmacie ne puisse pas se sauver. Que le voleur, hein, ne puisse pas se sauver, ça a peur des coups de feu. Près de chez eux, ah oh, ouais. Ben, ça devient un trou. Montréal, carrément. J'arrive en retard. Ouais, pourtant, je l'ai fait plus tard ce matin. Mais vraiment, la criminalité à Montréal, ça n'a aucun sens. Mais ça, c'était prévisible. Avec les politiques de. Ils font pas de répression. Ils font pas de répression. La plante verte, là, elle a une politique. C'est ça. Ça ressemble à l'autre à Toronto, là, la femme à Jack Layton. C'est pas fait pour mener des villes, ça, là. C'est pas Camillien Wood, ça, là. Fait que la police oubliait ça. La criminelle, ça, les criminels qui mènent la ville. Fait que, est-ce que les Écossais vont recevoir un kit de survie? Eux autres, ils l'ont déjà d'intégrer. Les Écossais, là, c'est du monde de. Ouais. J'aime beaucoup les Écossais. C'est un peuple que j'ai du respect. Puis, il y a une de mes tantes, justement, est allée en Écosse, je pense, ça fait un an ou deux. Puis, j'y avais dit, elle dit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-bas? J'ai dit, ben, la nourriture, contrairement à ce qu'on dit, est excellente. Puis là, je suggère tel type de restaurant, d'aller manger tel type de choses, de visiter telle place. Est allée visiter le château de Mary Stuart. Elle a beaucoup aimé son séjour. Puis je disais, c'est le temps là d'acheter certaines choses. Puis parce qu'en Écosse, c'est la place que les choses en laine, la laine écossaise, d'une qualité exceptionnelle. Puis là, il y a ma cousine, la fille de cette tante-là, qui allait en Hongrie. Puis j'avais dit, c'est quoi qui est intéressant? J'ai dit, c'est la meilleure place pour acheter les meilleurs paprikas du monde. Puis de vraiment certains types de cuisine, les meilleurs, c'est la place. Mais puis, je suis sûr qu'elle a dû se ramener du paprika. Parce que les Hongrois puis le paprika, c'est, hein, c'est une histoire, une longue histoire. Je sais, un ferry va se créer vers la France. Ah oui. Ah ben maudit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, je veux dire, il y a des coins, c'est drôle, hein, pour quelqu'un qui a jamais voyagé comme moi. Je voyage pas, j'aime pas ça voyager. Mais je sais que tel type de parapluie, les meilleurs sont faits à telle place. Tel type de manteau, les meilleurs sont faits à telle place. Tel type de cuisine, le meilleur, c'est tel endroit. Parce que j'aime ça avoir pareil le mieux. Au moins de connaître, si je peux pas me le payer. Avez-vous fait de beaux rêves? Oui. Et c'est quoi là? J'ai l'impression. Pourquoi j'ai l'impression une mauvaise impression là? Bon ben, moi je pense que j'ai fait assez direct. Là. 2 h 30, c'est assez. Bon ben, bye, hein? Bye, toi. Bon ben, salut tout le monde. Merci beaucoup. Ça m'a fié des Hongrois. Un peu de scrupules. Bah, ça, c'est quand même toute la planète, hein? Bonne journée, Louis. Bonne journée à tous. Au revoir.